d'excentricité. Sur le campus, à Trois-Rivières, c'est le 89.1. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Requis. David Ferron sera avec vous pour faire ses recommandations musicales dans les notes salées. On apprendra des tonnes de choses pour débuter l'année intelligemment avec cet effet. Assemblage Requis commence maintenant. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage Requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage Requis, émission matinale en pièces détachées. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Bonjour, Stéphanie Paradis. Bon matin. On t'en dirait des studios de 6 fois à Trois-Rivières en ce lundi 5 janvier 2015. Tellement. Hein, ça fait-tu longtemps qu'on s'est pas parlé en direct? Deux semaines. Deux semaines et ouais, c'est ça, un petit peu plus que ouais, ça. Ouais, plus un jour, parce qu'on n'est pas là le vendredi. Genre, t'as bien raison là-dessus. Depuis le 18 décembre qu'on n'a pas fait l'émission en direct, nous revoilà, par magie. Enfin. Pas par magie. Non, par de peine de misère. Parce que la magie de Noël, ça s'est passé. C'est vrai, ciné cadeau, c'est fini, ça. Non, j'imagine. J'imagine, ouais. J'ai aucune idée, j'ai pas regardé ça. Je sais pas. Donc, bon retour à toi, Steph. Ben, toi aussi. T'as passé un beau temps des fêtes. Ouais. Donc, aujourd'hui, à l'émission, Steph, on va voir David Ferron qui va être avec nous à 8h30. Oui, c'est à 8h30. C'était déjà 8h30. C'était déjà 8h30. C'est ça. 8h30, la chronique Les Notes Salées avec David Ferron, où il nous présente ses coups de cœur, ses coups de peu importe, quelque chose de négatif. Donc, il fait ça chaque semaine. Il va être avec nous en milieu d'émission. Autour de ça, évidemment, lundi, on fait toujours C'est un fait. Mm-hmm. Ça veut pas dire que ça va rester de même tout le temps, mais quand même, on fait C'est un fait là. Puis, on fait l'émission Le Bloc Pub. Savoir ce qui se passe en marketing. Un beau petit programme. Mais c'est pas pire quand même, ça a du sens. Pour une première émission de l'année, imaginez-vous, vous autres, le nombre de nouveautés qu'il va y avoir à l'émission pendant la session d'hiver. Ça va être assez incroyable. Mm-hmm. C'est le fun. On a une nouvelle chronique de télé qui s'en vient. OK, OK. C'est vrai, avec Frédéric Bernard. Et je pense qu'aussi, on a une nouvelle chronique qui explique quoi faire avec les restants de dinde. Parce que ça, on en a jusqu'au mois de mars environ, des restants de dinde. Okay. Fait que... On appelle ça comment, cette chronique-là? Hein? Mange ta dinde. Mange ta dinde. Oui. Ou tu manges ma dinde. Ah, que tu manges ma dinde. Ouais. Voilà. Ou c'est une redinde fusion. Une redinde fusion de dinde. Une redinde fusion. Une redinde fusion, ben oui. C'est bon ça. Voilà, voilà. Le retour de Véronique Mir cette session-ci aussi. Hey! Oui, avec son Véronictionnaire. On a aussi le retour de Cindy Gilbert. Ouh! Ça arrêtera plus de finir, les nouveautés. On va débuter avec cet effet dans quelques instants. Mais tout de suite, sortons nos gants d'hiver avec Coco Méliès et Winter Gloves. Puis, bonne émission. Et les autres bons quelque chose que vous avez déjà entendu, vous êtes déjà tanné. Non, on ne commencera pas avec ça. Non, des limites. Thank you. days I have to forget things we've done in the cold, cold winter cold. Before my hands ever touch this ball of yarn we've held on. Please, I have to forget things we've Coco Méliès et la pièce Winter Gloves à Assemblage Requis. C'est comme ça qu'on commence l'année. On commence aussi en apprenant des choses parce qu'on a été en vacances pendant plein de semaines. As-tu appris quelque chose? Absolument rien. Non, moi non plus. Du tout. Donc retournons-y. Voici C'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas. C'est un fait. C'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. C'est un fait, c'est la collecte des choses véridiques, véritables et vérifiables selon Internet, bien sûr. Ben oui. Et on va commencer aujourd'hui une rafale de faits. Je me suis demandé si on se faisait un petit concept d'en faire le plus possible en moins de temps possible. Mais si je dis, c'est des faits en rafale, c'est de même. Ben oui. Des faits en rafale. Parce que, savais-tu qu'hier, dimanche, le 4 janvier, Steph, c'était la journée nationale du trivia, des faits divers. Ah? C'est incroyable, hein? C'est tout à fait vrai, tout ça. Donc, commençons avec les forces armées de la Colombie, qui ont fait faire une chanson pop qui avait à l'intérieur du code Morse, qui était envoyé au personnel militaire. Donc, 19 personnes ont été sauvées, ça disait ça en code Morse, 19 personnes ont été sauvées, vous êtes les prochains, ne perdez pas l'espoir, parce que les kidnappeurs laissaient leur, pas leurs esclaves, mais leur personne captive. Otage. Otage, exactement. Ils leur permettaient d'écouter la radio. Donc, si vous voulez bien, on va entendre ce message Morse. Hein? Et vous allez sur le lien sur assemblagerequis.com, vous allez voir les lettres se transformer en points et en traits d'union. Et ça a été plus tard intégré dans une chanson que voici. Ah! Ah! D'après moi, il leur a laissé écouter une radio commerciale, d'après moi. Aïe. C'est assez. Ça a joué sur plus de 100 stations de radio en Colombie pendant plus de 2 mois. Donc les 16 victimes kidnappées entendaient cette chanson-là. Ils ont passé le message aux autres personnes capturées. Parce que les victimes comprenaient le morse? Ouais, ben parce que c'était du personnel militaire. Ah, ok. Ouais. Oui, ils comprenaient ça. Une chance, sinon, j'avoue, ça aurait pas servi à grand-chose. Hein. Non, ça aurait juste été « Arrêtez cette chanson! » C'est un peu agressant, mais c'est moins pire que du dubstep, faut se le dire quand même. Non, pas en tout. Tu trouves pas? Non. Non. Ensuite, toujours dans cet fait, il y a un gratte-ciel au Japon qui a une autoroute qui passe dedans au 5e, 6e et 7e étage. Il y a une photo sur assemblagerequis.com. C'est une grande bâtisse, un trou dans le milieu, l'autoroute passe directement dedans. C'est un peu bizarre. Pas pire, hein? Ensuite, il y a ce qu'on appelle la journée de Gary Lane. pas Penny Lane. C'est le frère, je pense, de Penny Lane. Hein. Tu me parles de choses que je ne comprends pas. Et, Beatles. Donc, c'est une journée que le maire de Burlington, au Vermont, a dédiée à un homme qui s'était fait arrêter. Enfin, pas arrêter, mais au moins... Ben, arrêté par une voiture de police, ça veut pas dire qu'il a été arrêté, genre qu'il a été mis en prison, mais il a été au moins tassé sur le bord de la route. Une altercation, voilà. Parce qu'il faisait du headbanging tellement fort sur de la musique que la police pensait qu'il était en train d'avoir une crise de quelque chose, genre des PPC ou je sais pas trop quoi. Il faisait du headbanging sur la musique dans son auto. Donc c'est la journée Gary Lane. Voilà. Il y a une proclamation, il y a un certificat et tout ça en photo sur le site. À Athènes, pas les couches, mais... La ville est boy. Donc à Athènes, à l'époque, Athènes, non? Je sais pas, je connais juste Depends. Depends. Je pense que c'est peut-être deux sortes. Je suis pas très calé en couche pour adultes. Non, c'est ça, mon. Donc à Athènes, c'est à pas. L'époque. Tu connais déjà deux marques. Ouais. La première démocratie du monde, ils avaient un processus qui s'appelait l'ostracisme, où une fois par année, les gens pouvaient voter pour les politiciens qu'ils pensaient, qu'ils trouvaient, en fond, le plus destructeur du processus démocratique. Et le gagnant était banni d'Athènes pendant 10 ans, il pouvait pas voter. C'est cool, ça. Une bonne idée. Ça, c'est de la vraie démocratie. Oui, mais ça. Après avoir drillé pendant deux décennies à travers 2000 de distance de glace en Antarctique, les scientifiques russes sont en train de découvrir un lac très foncé, très sombre, qui n'a pas été touché par la lumière depuis plus de 20 millions d'années. Oh! Donc, 2000 kilomètres, évidemment, on sait tous ce que ça fait. 3,22 kilomètres. Quoi? 3,22 kilomètres. Mais t'avais pas dit que c'était déjà un kilomètre? Non, j'ai dit 2000 de distance. Non, je me rappelle avoir dit. Ah, en 1000? Oh, ouais. OK. Ouais. J'avais compris 2000 kilomètres. Ah, non, c'est pour non. ça. Eh ben... Je comprenais pas pourquoi 2000 km te donnait 3,2 km. Le retraduire, c'est quand même attraper une confusion quelque part. Un homme australien, Moondyne Joe, s'est échappé de prison tellement de fois qu'ils lui ont fait une cellule impossible de s'en sortir. C'était impossible de s'en sortir. Pourquoi ils font pas ça pour tout le monde? Ben voilà. Par contre, il a réussi à s'en sortir quand même. Citation, c'est Moondyne Joe. Hey boy. À Hershey, en Pennsylvanie. Hershey, compagnie de chocolat. Exactement. Les lumières de coin de rue pour l'avenue Chocolate Avenue sont en forme de kisses de Hershey. Oh! Les petites cloches. Jay Wombin montait après poteau et lichait ça. La pancarte pour dire bienvenue dit bienvenue à Hershey, l'endroit le plus sucré sur Terre. The sweetest place on earth. En Pennsylvanie. Tu connais l'émission America's Most Wanted, les criminels les plus recherchés d'Amérique? Oui, je vais faire semblant. Oui. Donc, c'est l'émission, on monte un numéro de téléphone avec une reconstitution d'un crime, puis on demande avec la vraie photo d'identifier la personne. Bon. Bref, c'est à peu près la moitié de la programmation de Canal D. Ça ressemble à ça, les vendredis policiers, ou c'est quoi l'autre chaîne, avisderecherche.tv? Ça ressemble bien gros à ça. Donc, America's Most Wanted qui a déjà attrapé un fugitif lorsque les employés d'un café s'étaient rassemblés pour regarder un segment à la télé par rapport à leur collègue qui avait été tué. Et ensuite, ils ont réalisé qu'un violeur d'enfants dans un autre segment d'émission, dans le même épisode, était dans leur cuisine en train de remplacer l'homme qui avait été tué. Oh. C'est quelque chose en maudit, là. Ouf! Ça vient d'en faire même pas le même crime. Tu dois te sentir tout croché. Oui, c'est le scénario parfait d'un film d'horreur. Yeah, boy. Ensuite, il y a un parc d'amusement à Las Vegas qui vous permet de conduire des équipements de construction dans une boîte de sable, un carré de sable géant. Ah! C'est cool si tu vois des tonka puis des grues. L'oiseau. L'oiseau, c'est ça. Toutes les affaires qui me réveillent la nuit. Quand ils grattent. Les oiseaux grattent tout le temps dans ma fenêtre pour un vannage. Les visages dans le générique d'ouverture de Orange is the New Black. Tu connais l'émission sur Netflix? Oui. Ben, pas juste sur Netflix. Ben, entre autres, ben, ça vient de là à la base. Donc, c'est sûr que je commence par ça. Mais sûrement sur DVD quelque part aussi. Mais entre autres. Ben, partout sur Internet. Là. Ouais, mais c'est comme je te disais, l'émission qui est originaire de Fox ou de ABC, tu vas me dire, ouais, mais ça sort tout sur Torrent. Ouais, c'est sûr. Mais à la base. Non, mais c'est parce qu'on s'en fout, vous saviez. Ouais. Donc, les génériques d'ouverture avec les visages féminins de Orange is the New Black. Donc, c'est vraiment des femmes en prison. Des vraies femmes en prison. C'est pas des personnages, c'est pas des acteurs, c'est vraiment des femmes incarcérées. Ouais. Je trouvais que ça avait quand même du sens. Quand le Titanic était en train de couler, une passagère a refusé de laisser son chien derrière et a choisi de rester. Plus tard, elle a été trouvée morte dans l'eau, tenant son chien entre ses bras. Vivant. Je sais pas, ça le dit pas malheureusement. Son nom c'était Anne Elizabeth Isham. Félicitations. La barbe à papa, qui est évidemment mauvaise pour les dents, a été co-inventée par un dentiste. William Morrison. Oh, mais on a le droit de manger, il a le droit de manger du sucré lui aussi. Mais hein. En fait, non, c'est pas du sucré, c'est du sucre. Du sucre. C'est pas sucré, c'est juste du sucre. C'est ça, c'est pas comme la ville la plus sucrée sur Terre, Hershey en Pennsylvanie. Ça n'a rien à voir. En 1971, une paire de jumeaux identiques est née, Une paire de jumeaux, oui. Ouais, c'est ça que c'est comment on dit ça. Okay. Donc, une paire de jumeaux identiques est née. Des deux avait été échangé avec un autre enfant. Donc, a grandi avec les mauvais parents. Les jumeaux ont grandi séparément. Ils n'étaient pas au courant de l'incident jusqu'à ce que, par coïncidence totale, ils se sont rencontrés alors qu'ils allaient à la même université. Imagine, t'es à l'UQTR, puis tu rencontres ta sœur jumelle perdue. Tu fais le saut. Un petit peu. Mais il faut être incompétent à l'hôpital, là. Un petit peu, hein? Un petit peu. Mais bon. Qui voulez-vous? Il y avait une mode dans les années... au milieu, en fait, des années 1800 jusqu'au milieu des années 1900 d'envoyer des cartes qui insultaient les autres à la Saint-Valentin. Ça s'appelait des Vinegar Valentines. Ah bon? T'sais? Bonne chose, ça. Mais ça, c'est de la vraie démocratie. Donc, exemple. À ma Valentine... attends un peu. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais le dire en anglais. This lemon that I hand you and bid you now skidoo. Donc, voici un citron que je te donne et je te dis skidoo. Hein? Because I love another, there is no chance for you. Parce que j'en aime une autre et tu n'as aucune chance avec moi. Hey boy. Hey boy, voici un citron et je te dis skidoo. Okay. Parce que sûrement ça veut dire que j'en vote, hein? Skidoo comme skedaddle, vote. Je sais pas. C'est wow, hein? Sinon, il y a aussi un bonhomme, un genre de vieux monsieur avec les cheveux orange, avec des grosses dents. Et derrière lui, il y a une madame avec un genre de, je dirais une coupe de cheveux verte. Je sais pas trop pourquoi que c'est vert. Et ça dit « Your voice has sufficient volume. If mere noise is to be your goal, I think you'd make a roaring hit on a wagon hollering coal. » Donc, ta voix a un volume suffisant que si c'était si faire du bruit, était ton seul but, je crois que tu aurais un succès dans les trains en train de crier charbon. Tu aurais du succès dans les trains en train de crier charbon. Les insultes là, des années 1800, là, c'était... Hein? D'aidant, hein? Hey boy! En Norvège, il y a une place qui vit dans l'ombre pendant presque la moitié de l'année. Ils ont installé des miroirs gigantesques sur une montagne adjacente pour rediriger la lumière du soleil dans le square de la ville. Tout ça basé sur des plans qui ont été inventés il y a plus de 100 ans. Par Monsieur Burns. Par Monsieur Burns. C'est vrai que ça ressemble à un plan machiavélique de Monsieur Burns. Mais il y a des photos sur assemblagerequis.com. Les magazines dans les salles d'attente, tu t'es peut-être demandé déjà pourquoi ils étaient aussi vieux. Non. Moi non plus. Fait qu'on laisse faire. Non, la... Donc, pourquoi les magazines sont aussi vieux? C'est parce que les nouveaux se font voler, non pas parce qu'ils commandent pas des nouveaux. Il y a tout des nouveaux magazines qui arrivent, mais les gens prennent les plus récents et s'en vont avec. Ben oui, Andor. C'est un peu stupide, mais c'est comme ça. Ensuite de ça, le Balloon Fest 86, c'était une cascade publicitaire, un stunt comme on appelle publicitaire, où le United Way of Cleveland a relâché 1,4 million de ballons au-dessus de la ville, donc de Cleveland. Les ballons ont dérangé le trafic aérien et le trafic sur la terre dans les rues, ce qui a causé des poursuites demandant des millions de dollars en dommages et intérêts. Ça a fait interférence aussi avec la garde côtière qui cherchait deux personnes en bateau qui ont plus tard été retrouvées mortes, noyées. Entre autres à cause des ballons qui n'ont pas réussi. Dans le fond, la garde côtière n'a pas réussi à aller les sauver. De toute façon, c'est tellement pas une idée de génie de faire ça parce que c'est pas super bon pour l'environnement. Non, pas tant, pas tant. Ça reste que ça fait de très belles photos qu'on peut voir sur le site. C'est le seul... point positif. Dans les années... Fêlé par Photoshop. Dans les années 1950, c'était une façon très populaire de relâcher son stress, c'était de s'asseoir dans de la terre radioactive. Ça réglait, ça soulageait plusieurs maladies. ouais, qui disait, c'était pas le cas, mais il disait ça. Il y a une maison à Rotan, au Texas, qui était une de ces places-là. On le voit, c'était le... est-ce que ça dit? Uranium, c'était le nom de la place, Uranium. C'est louche. Déjà, ça commence drôlement. Et il y a une photo, un petit extrait d'un journal qui dit « Bain pour les pieds radioactifs, savouré par une rangée de patients, certains tenaient des boîtes de terre radioactive dans leurs mains, sur leurs cuisses, en plus de mettre leurs pieds dans la terre radioactive. Ils payaient 2$ pour... une session d'une demi-heure. Une heure et demie. Oh boy. Pas cher pour mourir, hein? Ben non, c'est pas cher pour accélérer un peu la mort. L'Iran a essayé d'entrer dans le livre des records Guinness en faisant le plus gros sandwich du monde. Mais les gens ont commencé à manger le sandwich avant qu'on puisse commencer à le mesurer, donc ça a été un échec. Franchement. Évidemment, toutes les sources sont sur assemblagerequis.com si vous pensez que je dis n'importe quoi, c'est selon le journal Metro au Royaume-Uni. L'argent euro. Tu sais, l'euro, hein? Le design a des ponts fictifs dessus. Il y a des ponts fictifs qui essaient de représenter les styles architecturaux à travers le temps en Europe, tout en ne mettant pas en vedette seulement un pays et non pas plusieurs autres. C'est vrai qu'étant donné que c'est pas seulement dans un pays, je peux comprendre. C'est même pas mal fort, je trouve. C'est un peu bizarre pareil. Ouais, donc les Pays-Bas qui ont ensuite construit ces ponts-là quand même. Ça nous dit que les Netherlands, c'est bien les Pays-Bas? Oui. Donc ils ont construit ces ponts-là pour copier l'argent pour pouvoir s'approprier ça. Franchement. C'est fort. En 1968, un surfeur donc, qui est nommé Eddie Aiko. Donc, j'imagine que son nom a plusieurs syllabes qui, en alternance, font un poème, j'imagine. Probablement. Donc, Eddie Aiko, qui a été sélectionné pour être le premier lifeguard de la plage Waimea, je sais pas comment on prononce ça, là, mais à Oahu, à Hawaï. Il n'y a pas une seule personne qui est morte pendant son séjour en tant que garde de plage. Il a sauvé plus de 500 personnes. Donc, bravo à Eddie Aiko. Ah, ouais. Aucune personne morte. Mais quand même, 500. Oui. Mais bien sur un CV. Ben, mais ça dit pas sur combien de temps, par contre. Mais peu importe. Ben, exactement. Who cares? Je veux dire, s'il y a personne qui est mort, peu importe le temps, t'as quand même laissé personne mourir. Tout à fait. Tout à fait. Rendu là, c'est les gens qui se baignent qui sont un peu maillés, là. Mais voilà. J'avais un petit extrait sonore à vous faire entendre, si je peux vous sortir ça ici. Voilà. De donc... Eddie qui sauve quelqu'un de la noyade. Ah! J'arrive! Okay. Quand tu te noies, tu fais pas de bruit. Non. Non, c'est justement... Non. Non. Non, c'est parce que souvent, on va personnifier la noyade, là, mais on va jouer la noyade à l'aide, ouais. Mais c'est parce que quand t'es en train de te noyer, si tu fais aucun bruit, t'es en train de te noyer, donc tu veux pas crier, t'as plus d'air qui rentre. Ah. Donc si tu pouvais crier, t'aurais de l'air qui rentre, donc ça marche pas. Donc c'est si plus tôt t'es à la piscine et soudainement il y a pas de bruit, c'est là que tu dois à courir. C'est comme un arbre dans la forêt qui tombe tout c'est seul, ça fait-il le bruit? C'est ça. Et c'est l'arbre, ça. Ce serait quoi? Un? Un noyé. C'est un noyer. Ah! Ah, c'est une référence. Si tu frappes des mains, si tu piches les mains dans les airs comme si tu t'en câlinais, donc devant le Chichen Itza's El Castillo, c'est une pyramide, okay, l'écho va sonner exactement comme un petit oiseau. Hey, écoutez ça, c'est pas des jokes. Clap, three claps after three, okay? Like this. One, two, three. Elle me dit comme ça, il faut que tu fasses trois fois le clap. One, two, and three. Here, one more time. One, two, and three. Great. C'est donc bien bizarre comme écho, c'est ça. C'est le fun, hein? Tu vois bien qu'elle a sniffé de l'hélium. ensuite de ça, en Chine, à l'époque, ils utilisaient des mannequins pour attirer les ennemis, pour que les ennemis tirent des flèches dessus. Là, quand tu parles de mannequins, est-ce que tu parles de gens qui se promènent sur le catwalk? 5 pieds 10 minimum. donc, ils leur tiraient sur les mannequins, évidemment, des mannequins de, je sais pas si c'était de plastique ou autre matériaux. Mm-hmm. Hey boy. Donc en Chine, on utilisait des mannequins, donc les ennemis leur tiraient des flèches dessus et plus tard, ils allaient juste enlever les flèches et ils se faisaient des flèches gratuites. C'était en Chine. Et des flèches gratuites. Ah oui. C'est une bonne idée. Ah ouais. Un résident de l'île du Prince-Édouard s'est fait lui-même envoyer 4800 bouteilles avec des messages à l'intérieur dans l'océan Atlantique. Il a reçu plus de 3100 réponses. Oui, 3100 réponses. Typiquement, il va recevoir 150 cartes de Noël par année des gens qui l'ont contacté par bouteille à chaque année. Ha! C'est une bonne idée. C'est drôle. C'est des petits correspondants, là, tu sais. Dans, à l'époque, on avait des magazines avec des correspondants. Là, tu peux correspondre avec des gens dans le magazine. Ah, mon Dieu. Ouais, ouais, ça ouais. m'a fait, mais juste pour le gars de l'île du Prince-Édouard. Je cherche quelqu'un qui aime Duran Duran. un peu preppy. Oui, oui, oui. Il faut tout le temps la coupe de cheveux et le manteau de jeans. Là, tout le temps. Ben. Coupe de cheveux de jeans. C'est le, coupe de cheveux de jeans. Manteau frisé. Manteau frisé, blond, bleaché. Non, c'est ça, c'était... à l'aide... Quelqu'un qui était en train de se noyer, fait qu'il a envoyé un message dans une bouteille à l'aide. C'est de même que ça marchait à l'époque. Un homme de la Floride! Je pensais que tu parlais encore du magazine pour ça. C'est ça. Non, c'était Teen Bop dans le temps. C'était une... L'homme de la Floride a en secret construit un appartement dans un centre d'achat et a vécu là pendant 4 ans. Il y a une photo sur la sondage de qui point. Un appartement dans un centre d'achat. Alors, d'après moi, c'est dans une dans la cave, l'entreposage, quelque chose comme ça, je sais pas trop. Parce que ça a l'air assez des murs de solide béton. En tout cas. Maintenant, est-ce que tu connais Billy Ray Harris? Non. Pas supposé, en fait, pas supposé. Donc, Billy Ray Harris, un homme sans abri qui a... Ah oui, je le connais au coin de Notre-Dame. Donc, qui a retourné une bague de fiançailles qui valait des milliers de dollars après qu'une femme l'ait accidentellement lâchée, échappée dans son petit pot de monnaie. Donc, la propriétaire de la bague était Sarah Darling. Madame Darling et son fiancé ont organisé une page pour ramasser de l'argent sur Internet pour le remercier. Ils ont ramassé 180 000 $ avec des dons publics et Monsieur Harris a donc pu s'acheter une maison et se trouver un emploi avec ça. Wow! Fait que ça valait vraiment la peine pour tout le monde. Comme quoi, la générosité et l'honnêteté, ça paye. Seront récompensés, en effet. Manger des nouilles instantanées deux fois ou plus par semaine a été associé, selon une étude, évidemment une étude qui est publiée sur Internet, là. Donc ça a été associé avec le syndrome cardio-métabolique, qui augmente les chances d'avoir une maladie du cœur, de développer une maladie Merde. Du cœur. Zut, de flûte, de ramen, noodle! Donc c'est si on mange des nouilles instantanées deux fois ou plus par semaine. C'est tellement bon, deux fois ou plus par semaine. Mais est-ce que c'est deux sachets ou deux repas comme... La portion n'est pas dite. J'avoue, là. Parce qu'il y a des sortes qui sont vraiment meilleures que d'autres. Ouais, c'est ça. 48% de la population du monde qui a 15 ans ou plus n'a jamais consommé d'alcool de sa vie. Quel pourcentage? 48% des gens de plus de 15 ans. Hein? Là, faut enlever les religions qui boivent pas d'alcool, etc. Les familles religieuses. Oh, mais quand même. Quand même, 48%, c'est presque la moitié. Ça, quasiment dire. Presque. Certains diraient. Charlie Chaplin, tu connais? C'est un sans-abri au coin de Notre-Dame. Ouais, ça doit, ouais, ça je me dis. Donc, Charlie Chaplin qui a fait un film se moquant de Hitler avec sa propre. Avec son argent. Son propre argent. Mm-hmm. En tout cas, bref. Parce que Hollywood avait peur de perdre de l'argent s'il l'éditait, ce film-là, ou le publiait. Un peu comme l'entrevue qui tue. Seth Rogen. Le hack de pis tout ça, puis tu sais, le Corinne du Nord, puis t'as pas entendu parler de ça. Ouais, mais une histoire de. Franchement. C'est ça. Exactement. Donc, Charlie Chaplin qui avait sorti un film sur Hitler. Il y avait un patron de la mafia qui, pendant 30 ans, se promenait dans Greenwich Village en pyjama, se disant lui-même des paroles incompréhensibles. À l'aide. Donc, c'était un numéro. Il actait comme ça pour éviter de se faire trouver. On l'appelait... Trouvé par qui? Trouvé par, j'imagine, les autorités qui sont contre la mafia. Mais bref, on l'appelait le Odd Father. Tu sais, comme le parrain, mais après, c'est bizarre. Ça. Ouais. Odd Father. C'est un beau nom. Ouais. Il s'appelait Vincent Gigante. Benjamin Harrison, le 23e président des États-Unis, était le premier président à avoir de l'électricité dans la Maison-Blanche, mais il n'a jamais touché à aucun bouton de lumière parce qu'il avait peur de se faire électrocuter. Naïf. Quel naïf, hein? Sérieux? Hey, je sais pas, non, à l'époque, ça se pouvait peut-être. Hein? Peut-être. Mais parce que aujourd'hui, il faut quand même faire attention. Si tu touches à la petite vis sur la plaquette de la Switch, des fois, tu pognes le courant. Ouais, pour vrai, ça t'est jamais arrivé? Non. Des fois, je peux. Il y a beaucoup d'électricité statique sur la ouais. Petite vis. Toi, la statique, te court après. Là. Mais c'est pas juste moi là, qui pogne la statique après ça. Oh, ouais. Eh ben. Non, ben, moi, non, j'ai pas. Non. Ensuite, en 2011, une petite ville espagnole qui était proche de la banqueroute, de la faillite, a misé sur la plus grosse loterie du monde. Ils ont gagné. Ah ben, calé. Ils ont gagné. Petite ville espagnole. Donc, on a dépensé 2,7 milliards d'euros sur des billets de loterie. Hey boy. Là-bas, donc partout au pays, les gagnants étaient les habitants d'une petite ville de Granin où le prix de 700 millions d'euros leur a été donné, donc bravo à eux. Weird Al Yankovic, vous connaissez peut-être le chanteur, il avait sorti cet été un nouvel album, il y avait des vidéoclips à chaque jour qui se partageaient sur Facebook. Donc Weird Al Yankovic a démarré ou a parti un club qui s'appelait le Volcano Worshippers Club, donc les personnes qui adorent les volcans. Hein? Donc au secondaire, juste pour pouvoir avoir une photo de lui de plus dans le livre de fin d'année. Il part son propre club et il a eu sa photo. Puis la photo est sur assemblagerequis.com. Puis Weird Al Yankovic est une vedette. Justement, parlant de volcan, ça me rappelle un autre mot en V. Voici Voodoo de Dumas. Ah, qui est celui-là? Moi. Ah, assemblagerequis. Baudou, Père Dumas, à Assemblage Requis. Plus tard à l'émission, dans une vingtaine de minutes environ, David Ferron sera là pour les notes salées. Au retour, plus de C'est un fait. Avant ça, ça va être bon, oui, plus de C'est un fait, ça arrête pas encore de C'est un fait. On veut trop savoir d'affaires, on prend pas de pause, disons. Une fois qu'on est revenu, là, on se met dedans. Aucune pause, jamais. Jamais. Fait que finalement, pourquoi je suis en train de mettre ça, moi? Puis pourquoi ça part tout seul? C'est pour les auditeurs. Ah, ok, ok. Fou de merveilleux. Sur le campus, à Trois-Rivières, c'est le 89. Écoutez-nous en direct sur le web sur cfou.ca. Assemblage Requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bonjour à Assemblage Requiers, ce lundi 5 janvier 2015, c'est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Ouh. Dans une vingtaine, David Ferron va être là pour les notes salées. Une vingtaine de quoi? Une vingtaine de minutes. Ah. Dans une vingtaine de bonbons. Une vingtaine de boules de Noël. De truites. De truites mouchetées. Pourquoi mouchetées? Je sais pas. Qu'est-ce que t'as contre les arcs-en-ciel? Les problèmes de sinus, hein? Les arcs-en-ciel? Mm-hmm. Ah. Truites arcs-en-ciel. Ah, ok. Ouais. Mais avant ça, on retourne où on était déjà tantôt, parce que voici une deuxième partie de C'est un fait. De C'est un fait, quand tu veux. Quand, n'importe quand, n'importe quand. Je suis prête. Là, là. Eh ben. Des choses que tu sais pas. Ah, faut rechanter. Des choses que je sais pas. C'est un fait. C'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait, c'est un fait. On aime tellement ça chanter, tu sais, c'est ça qu'on la fait à chaque fois qu'on la joue. Ouais. Je la chante dans ma douche aussi. Ah ben oui. Il y a une rivière en dessous de l'eau au Mexique, ça va être ça. Une rivière en dessous de l'eau, tu vas me dire, mais c'est impossible. C'est une formation naturelle qui a lieu lorsque des sulfates d'hydrogène se mélangent avec l'eau salée, ce qui fait que c'est beaucoup plus lourd que l'eau normale, l'eau salée normale finalement. Donc le mélange va aller au fond, ce qui va former une séparation distincte qui va couler comme une rivière, mais en dessous de l'eau. Il y a des images sur assemblagerequis.com. C'est sur la péninsule Yucatan au Mexique. Ça s'appelle Cenote Angelita. Voilà. Genre, si on veut, quelque chose comme ça. D'accord. Sûrement prononcé mieux que ça. Ouais, parce que tu l'as étrangement dit avec un accent japonais. Genre. Un homme nommé Ken Imhoff a passé 17 ans en train de construire une Lamborghini dans son sous-sol, dans sa cave. Et ensuite, il a fait un trou dans son mur pour sortir sa Lamborghini de son sous-sol. Bravo. Bravo, en effet, c'est super beau, ça a l'air d'une vraie belle voiture. C'est très réussi, donc allez voir ça sur le site. Lorsque les gens sont électrocutés et lancés sur de longues distances, des fois on voit ça dans, je sais pas, c'est des pubs, dans des films. Donc quelqu'un reçoit un choc électrique et est lancé à une longue distance, c'est le résultat d'une contraction musculaire violente et soudaine, et non pas un résultat du choc en tant que tel. Ah. Donc ça amène à des questions par rapport à la force et aux capacités du muscle dans le corps humain. Si on est capable de se lancer aussi loin, c'est que nos muscles sont plus forts que ce qu'on utilise, peut-être. C'est ce qu'on nous dit. Ben, je sais pas. Je veux dire, ça doit avoir quand même rapport avec la décharge électrique que tu reçois, qui contracte les muscles autant. Je pense pas que notre corps est capable de produire ce genre d'impulsion électrique pour contracter le muscle. En fait, il y a un petit peu de détails sur la source. Donc, on a prouvé que notre cerveau restreint nos muscles de façon inconsciente, étant donné le fait que nos muscles sont assez puissants pour se déchirer eux-mêmes. Si on agissait à notre pleine capacité. Ah. Donc, on dit que seulement un tiers de notre vraie force musculaire est utilisable à n'importe quel moment donné. Peu importe comment tu essaies de vraiment fort de lever quelque chose. C'est intéressant. Bref. Ouais, quand même cool. Ensuite de ça, donc toujours dans cet effet, on continue avec un prochain qui est Max Martin, un Suédois de 43 ans qui a coécrit plus de succès number one singles que n'importe qui d'autre depuis les Beatles. Donc ses crédits entre autres I Want It That Way, Oops I Did It Again, It's My Life, Since You've Been Gone, I Kissed a Girl, Shake It Off, Everybody Backstreet's Back, As Long As You Love Me des Backstreet Boys, I Want You Back, Turn Up My Heart et It's Gonna Be Me pour NSYNC. Donc un Suédois de 43 ans qui est écrivain de tous les succès qu'on connaît en disant. Pop, évidemment. Au milieu des années 1800, des millions d'enfants américains apprenaient à l'école que le goût de l'alcool allait mener, que goûter l'alcool, pas le goût, mais que goûter à l'alcool allait mener à être aveugle, à être à virer fou ou encore à la mort. Il y avait aussi la possibilité, les enfants se faisaient dire ça, de combustion spontanée. Ils doivent aussi se faire dire que la masturbation rend sourd. Puis ça fait pousser des poils dans les mains, je pense. Oui, c'est vrai. Juste boire de l'alcool une fois allait faire que leur corps allait prendre en feu. C'est ce qu'on apprenait au milieu des années 1800 aux États-Unis. Eh, Seigneur. Hein? La compagnie de caméras Leica, tu connais? Mm-hmm. L-E-I-C-A. Ils ont transporté des centaines de Juifs de l'Allemagne nazie. Avant l'Holocauste, donc ils mascaradaient les Juifs en tant qu'employés de Leica qui avaient été assignés outre-mer. Donc la compagnie a aidé chaque réfugié à trouver un emploi. Ont donné chacun une caméra Leica. Évidemment, faut quand même faire de la pub un peu. Hein? Et un petit, pas un salaire, mais une bourse si on veut par mois jusqu'à ce qu'ils puissent trouver du travail. C'est cool. C'est vraiment bien. Un garçon de 4 ans nommé Roger Loser, L-A-U-S-I-R, a été sauvé par une femme nommée Alice Blaise. 9 ans plus tard, Roger a sauvé le mari d'Alice de noyade à la même plage. Par hasard, j'imagine. Ça le spécifie pas, mais j'imagine par hasard. Mais c'est quand même cool. Comment tu veux que ce soit pas par hasard? Ben, c'est ça. Il s'est renseigné. Ah, c'est le mari de la femme qui m'a sauvé! aux Olympiques de 1912, un coureur de marathonien finalement nommé Shizo Kanakuri. Hein? Un Mexicain encore. Que tu n'as. Ou japonais. On sait plus avec moi. On sait plus. Donc Shizo Kanakuri a abandonné et retourné à la maison au Japon. OK? C'est à tout travailler tes accents. Eh ben, il faudrait vraiment que j'aie un coach pour ça parce que ça, on part de loin avec parce moi. Parce que toi, ça a l'air tout le temps soit allemand, soit japonais. Allemand, vraiment. Okay. Ouais. Il a abandonné la course aux Olympiques de 1912 et sans le dire aux officiers, à ceux qui s'occupaient des Olympiques là-bas. Donc, il était considéré comme une personne recherchée et trouvable, finalement, missing person en Suède pendant 50 ans. En 1966, là, on était en 1912, on passe en 1966, il est invité à compléter le marathon. Son temps pour le marathon, 54 ans, 8 mois, 6 jours, 5 heures, 32 minutes, 20 secondes. 379 Un record, ça? C'est un record, j'imagine. Après avoir fini, il a dit, et je cite, « Ça a été un long voyage et sur le chemin, je me suis marié, j'ai eu 6 enfants et 10 petits-enfants. » C'est cute. C'est cute. Le cofondateur de Facebook, Eduardo Saverin... Le japonais, non natif du Brésil, a renoncé à sa citoyenneté américaine pour éviter de payer 700 millions de dollars en impôts. Ah. Eh bien. Il est allé en Suède, non? En Allemagne. C'est où en son... Suisse. En Suède. En Suisse. En Suisse. Je sais plus. Non, on sait pas. La police on appelle ça la Transit Police, là, je pourrais pas vraiment vous dire la police du transit intestinal. C'est exactement ça. Donc, du Massachusetts. Oui, c'est vrai que Massachusetts, t'sais. Donc, ils ont fait une expérience, ils ont placé des découpages en carton, là, des corps en carton, tu sais, comme on, des pancartes, finalement. Comme les madames dans les gens coutus, là, que Jean? Tu lui rentres dedans, tu t'excuses, tu rates ta carte, t'as une boîte. C'est le même principe. Donc, ils ont placé des voilà, policiers en carton, près de 2 racks à vélo à Cambridge, au Massachusetts. Le vol de vélo a descendu de 67% dans 2 mois. Que les gens sont naïfs. C'est une maudite bonne idée pareille, là. Comme un épouvantail avec les corneilles. Oui. Tu sais, t'as le cerveau un peu lent, là. Ou encore, il pourrait quasiment y avoir des chars de police, tu sais, pour empêcher les gens de faire de la vitesse, tu sais. Ça pourrait être du carton à la place de payer des employés à longueur. Ouais, c'est vrai. Ils vont perdre des emplois, tu sais. Il y a un restaurant à la base d'une chute d'eau aux Philippines. Allez voir la photo sur assemblagerequis.com. Bonne chance à trouver le lien en passant. Mais il est sur le site. C'est une chute d'eau. Donc on voit la chute qui est très très verticale, un angle très on dirait vraiment un précipice. Et la chute d'eau continue en bas à l'horizontale. Et là il y a des tables sur le bord de ça, un peu comme sur le bord d'une plage. Donc tu dînes, tu manges vraiment en avant d'une chute, c'est super. C'est aux Philippines. Un garçon français de 12 ans a fait semblant de se faire kidnapper pour éviter d'aller chez le dentiste. Ouais. Ouais, j'ai déjà fait pareil pour éviter un examen de musique au primaire. Il y a une mère vraiment particulière qui s'appelle la Cross C. Un peu comme la séparation des eaux de choses... Moïse. Moïse, ouais, c'est ça. Bref, ça ressemble un petit peu à ça. C'est une mer qui a deux systèmes de vagues qui voyagent à des angles obliques. Donc, ce que ça fait, c'est que vraiment, les courants d'eau, ça fait comme un genre de carrelage ou de tuilage. Ça vient là, les uns dans les autres. Donc, cherchez Cross Sea, C-R-O-S-S-S-E-A, pour voir les photos. On dirait quelqu'un qui aurait passé la tondeuse dans un pattern. Tu sais, des fois, il y en a qui font ça, des fois. C'est plus passer la tondeuse en quadrillé, c'est le mot que je cherchais. Ouais. Ça a été long. En carotté. En carotté, en quadrillé, peu importe. Mais c'est donc bien bizarre. C'est drôle. Les chameaux ont été amenés ou apportés au Canada en 1862 pour traîner de l'or. L'expérience désastreuse s'est terminée un an après quand les chameaux ont commencé à terroriser les chameaux, c'est ça, j'avais bien dit, ont commencé à terroriser les chevaux, dérangeaient les mineurs et mangeaient leurs vêtements et leurs savons. Ouais, bizarre. Ensuite de ça, le Mythbuster, tu connais Jamie Hyneman? Ben, tu sais. Pas James Hyneman dans Trauma? Non, non. Ça, on disait Trauma, ça n'existe plus. Arrête de vivre dans le passé. Après ça, tu vas parler de quoi, de rumeurs? Donc, Mythbusters, Jamie Hyneman, s'est enfui de maison à l'âge de 14 ans et a fait du pouce partout à travers les États-Unis. Après ça, il a fait plein d'affaires. Il est devenu un plongeur certifié, pas un laveur de vaisselle, mais vraiment un plongeur. Dans l'eau. Dans l'eau. Donc, un expert en survie dans les bois, dans tout ce qui est sauvage, capitaine de bateau, linguiste, propriétaire d'animalerie, entraîneur d'animaux, inspecteur de ciment, briseur de mythes, chef et plus encore, cet homme sait tout faire, c'est Jamie Hyneman de Mythbusters. Incroyable. Un méchant gaillard. Ensuite, là... Ben, on s'entend que le moins impressionnant, c'est le propriétaire d'animalerie. J'avoue que ça... Mais tu vois, il a dévié, il s'est mis à entraîner les animaux. C'est vrai. Ouais. Ça a quand même dérivé. Là. C'est vrai. Pas dévié. C'est un déviant. Plus dérivé. Clairement un déviant. Ensuite, les termes de la royauté, puis des rois, puis tout ça, mais en tout cas, il y avait une personne, tu sais, hautement placée, en anglais on dirait un ruler, donc sûrement l'équivalent d'un roi, ou quelqu'un qui, dans le fond, qui est le chef d'un endroit. Bref, qui s'appelait Maha, de l'endroit qui s'appelle Maha, comment ça se dit ça? Maharaja? Hein? En Allemagne. De Patiala, sûrement en Allemagne. Boompinda Singh a visité une salle de montre de Rolls-Royce et a demandé les prix des modèles les plus luxueux. Quand le vendeur s'est moqué de lui, il lui a dit qu'il serait pas capable de se permettre ça, parce qu'évidemment, il savait pas que c'était un ruler, hein, un grand chef. Donc, finalement, il était super fâché, le gars, le Maharaja. Donc, il a acheté toutes les voitures dans la salle de montre. Il a ouvert tous les toits des voitures et a commencé à les utiliser comme camions de vidange. Camions pour ramasser les poubelles. Hey, dans son pays. Faut à peine être susceptible. À peine. Donc, la compagnie de voitures a reçu cette nouvelle-là. Donc, leur marque qui était humiliée de cette façon-là. Le vendeur a été renvoyé. La compagnie s'est excusée à Singh, demandant ce qu'il renvoie ses camions de poubelles au concessionnaire pour pouvoir échanger ça contre de meilleures voitures, des modèles encore plus chers, sans argent à débourser de plus, bien sûr. Seigneur. Eh, bon, bon. Flatter un chat, c'est prouvé, ça aide à baisser la pression sanguine. Non. Du chat ou de toi? Ben, c'est drôle que t'en parles pour les deux, Steph. Oh. Pour les deux, ça baisse la pression sanguine du chat et de l'humain. Ça, c'est quelque chose, je n'aurais jamais pensé que le chat avait besoin de se faire baisser sa pression étant donné qu'il dort toute la maudite journée. En 1943, Packard Motors a donné une promotion à trois travailleurs de race noire pour qu'ils puissent travailler à côté des Blancs dans la ligne d'assemblée, ce qui a fait que 25 000 travailleurs blancs ont lâché leur emploi. Ont quitté leur emploi. Ben voyons donc. Ouais. C'était en 1943. C'est pas si loin que ça. Ben non, ouais. Eh ben. Il y a une tribu où la femme d'un homme ne peut pas parler la même langue que lui. Pratique. Ouais, c'est ça. Ben, j'imagine que ça cause pas mal moins de chicanes. Quoique, on peut avoir des chicanes mimées aussi. Ah, certainement. Voilà, on a levé le finger. On se le fait live là en ce moment. Non, c'est pas vrai. Même pas. C'est même pas vrai en plus. Pour une des rares fois. Ouais, c'est ça. Marion Morgan croyait que la danse pouvait être utilisée pour améliorer l'instruction de n'importe quel sujet ou n'importe quelle matière. Donc en 1916, elle a fait la tournée, une tournée du pays avec ses 6 danseuses. En fait, ça précise pas leur sexe, donc on va dire danseurs et danseuses. Faisant une démonstration de l'éducation améliorée par la danse. Donc la théorie de base était que les étudiants porteraient plus attention si de jeunes... Ah ben, je le disais plus tard dans l'article. Si les jeunes danseuses performaient devant eux dans une classe alors que quelqu'un enseignait. Donc, il allait porter plus attention. Moi, pourtant, j'aurais été porté à penser qu'il porterait moins attention à la matière et plus à la matière. Je sais matière. Pas, c'est bizarre, hein? Il me semble, je trouve ça étrange, mais bon. Donc, allez voir, il y a un lien qui vous montre ça. C'est sur weirduniverse.net. Voilà, c'est assez de cet effet pour l'instant, je pense. Ben là, là. On va aller danser nous-mêmes, peut-être apprendre plus en même temps. T'sais. Ouais, pourquoi pas? Faut bien faire ça une fois de temps en temps. Qu'est-ce qui me ferait danser, moi, personnellement? Personnellement. Et Seigneur, ça doit prendre vraiment une bonne toune pour que tu danses, toi. En effet, ou c'est... Ou beaucoup d'alcool. Ah non, oui, c'est vrai, ce qui me fait danser, plus d'alcool. Ouais, tu parles d'alcool, peut-être que j'aurais comme objectif de boire un peu plus, peut-être en 2015, pour me relaxer le système un petit peu, tu sais. Et peut-être apprendre à danser. Set the Well, la formation qui nous offre la pièce Resolution, c'est pas un beau hasard, c'est un peu? Je pense que oui, moi. Je pense que oui. Ah oui. Resolutions de Set the Well, au retour David Ferron et les notes salées à Assemblage Requis. Enfin, la première chronique des chroniqueurs de 2015. Quel privilège! Mais... Comme SoundCloud. Sur le campus, à Trois-Rivières, c'est le 80 Fou de Trouvailles. C'est Fou, 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bon, Toronto, vous êtes toujours à Assemblage Requis. En ce lundi 5 janvier 2015, c'est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Ouh, oui! Qui avons-nous en studio, Steph? Je veux pas le savoir! Ouais, pas sûr non plus! C'est pas David Ferron? Ben non. Malheureusement, c'est Marie Melon. Poula! Poula! Poula! Poula! Là, ah ouais, t'aimes ça avec la petite sauce brune du poula? Poula! J'ai mangé du poula hier. Ah ouais, c'était bon? Ouais, c'était ouais. Bon, certain. Que salade de chou? Non, elle est pas bonne, leur salade de chou. Chez, ok, ouais, je dirais pas en place, non, c'est ça. Fait qu'à part de ça, Marie-Melon? Poula! Ouais, j'imagine, c'est pas mal, je pense ouais, que c'est la limite. Ça qu'elle dit. Mais moi, j'ai juste mangé les ailes. Ok. Mange des ailes. Des ailes? Ouais. Mmh. C'est bon. Mmh. Parle de ça. Ben, à part de ça, je pense que Marie. David. Oui, bonjour, Steph et Mathieu, vous allez bien? Oui. Ça va mieux? Je suis content qu'il y ait personne qui écoute le lundi 5 janvier parce que quand il y a personne à l'université. Sinon. Une chance, ouais. Parce que là, Marie Melon est pas polie, elle vous dit même pas salut, elle vous dit même pas bonne année en elle, plus. Elle est pas poula? Polie? Pas. Elle est pas très pouliche, mettons. Pouliche. Elle est très pouliche. Et ben, elle liche tout le temps. On sait qu'elle est en train de complimenter tout le monde, hein? Elle est en train de dire du bien de Stéphanie, elle est en train de licher tout le temps. Marie Melon, du bien de moi? Je sais pas, non, c'est du mal de toi qu'elle fait, hein, c'est ça? Oui. Du bien de moi, je pense. Non? Un peu trop. Elle a jamais vraiment parlé de moi, en fait. As-tu déjà? Ben, dans son cœur, oui. Marie Melon, c'est la sœur de David, pour ceux qui savent pas. Ceux qui suivent pas. C'est comme un téléroman, là, ça fait plusieurs semaines qu'on est absent. Okay. Hein? Oui, il faut faire un retour. Petit retour. Ah, un petit remontant. À l'aide. Ouais. Sinon, j'ai dit sinon au moins 5 fois aujourd'hui. Oui, sinon, là, ça a l'air que c'est moi qui inaugure la saison des chroniques à Assemblage Requis. Oui, c'est vrai, t'es le premier à avoir dit bonne année aussi. Parce que nous autres, on l'a pas dit, c'est trop facile. T'sais. C'est trop facile. C'est facile. On est plus indie que ça, nous autres. Ah ouais, c'est ça. Plus indie rock. C'est tellement mainstream. moi, je voulais vous souhaiter de faire de belles découvertes musicales. Je sais que c'est pas très indie, c'est très cliché comme souhait, mais... C'est cliché à souhait comme souhait. Ouais, Hatchoum! Ah, tes souhaits. Hey, mais c'était quoi vos coups de cœur 2014? Tu demandes ça à Bleu pour le point de même? Oui! Ouais, c'est parce qu'un an, c'est long, là. C'est ça. Moi, j'ai Royal Canoe devant moi, donc je pense que ce serait pas mal dans mon choix. Ça. Ah oui! Mais j'ai fait une petite. Jean-Philippe et moi, on a fait une émission spéciale. C'était fois en 2014, hein, en deux parties. Ben oui! Et puis, on a fait notre propre liste de nos chansons préférées. Ça fait que... Wow, on va pouvoir écouter ça en podcast. En podcast! Elle était bonne! En podcast. Bravo! En poulado diffusion. Non. Non, pas ça. Non. C'était oui. Hein? Ouais. Donc, en fait, pour tous ceux et celles qui ne connaissent pas ma chronique, mais avant de commencer officiellement la chronique, comme vous m'avez manqué, bien j'ai une toune d'Alain Bachon qui dit « Je t'ai manqué ». Ah oui, t'as ça, là? Ah, c'est beau. C'est et beau. Oui, parce que en même temps, 2014, c'était... « Je t'ai manqué ». Ah, tu parles par-dessus? Non, vas-y, parle. En fait, 2014. C'est pas clair, ok. Hey, ça fait 2 semaines que j'ai pas fait de radio, je suis un peu rouillé. Ouais, ça va, c'est bagarre. Donc, 2014, c'était le 5e anniversaire du décès d'Alain Bachung, donc qui va nous chanter Je t'ai manqué, tiré de son album Bleu Pétrole, qui a tellement pas été d'actualité cette année. Ben non, j'ai pas entendu faire ça même pas une seule fois. Non, hein. Donc, Alain Bachung, tout de suite, à son âge requis. Je t'ai manqué, pourquoi tu me visais? Tous nos échanges coulaient de source, tous nos mélanges cotés en bourse. Tout est brutal, beauté en touche, tout à l'horizontale, nos envies, nos amours, nos héros. Je t'ai manqué. Pourquoi tu me visais? Tout est extrême, limite et cône glacée. Tout est idem, les vitrines, les pôles opposés. Dans les étoiles ou sous la douche, tout à l'horizontale, nos envies, nos amours, nos héros. Pourquoi tu me disais? Et si l'on disait le contraire, ou si l'on ne face à l'envers, aussi long soulevé de main, qui serait l'adversaire entre nous, qui serait le plus malin? Et si l'on disait le contraire, ou si l'on ne disait plus rien? Je t'ai manqué, pourquoi tu me riches? À l'horizontale, nos envies, nos amours, nos héros. Si l'on suivait les voies ferroviaires, qui aurait le pied marin? Si l'on sifflait les fonds de théière, ou si l'on ne sifflait plus, qui serait l'adversaire entre nous, qui serait le plus malin? Et si l'on disait le contraire, ou si l'on ne se disait plus rien? Je t'ai manqué, pourquoi tu me disais? C'était « Je t'ai manqué » d'Alain Bashung. Ouais. Eh oui, la première toune que je fais jouer en 2015. Hey, bravo David. Ouais, surtout que c'est toi qui as parti la toune en fait. Là. Surtout je l'ai parti par là que tu parlais aussi. Oui, exactement. Avant d'embarquer dans ta chronique, on va accueillir Denis Janvier, ça te tente-tu? Denis Janvier qui est juste là à ma gauche, à droite. Poula! Devant Steph. C'est quoi du poula? C'est un gag des appendices. En fait, il n'y a rien dans ce gag-là. C'est juste une fille qui appelle dans une rôtisserie. Puis tout ce qu'elle dit, c'est poula. Poula. Poula. Du pain de poula. Le gars, il se demande quoi, tu sais. Puis là, ben, à la fin, finalement, le punch, David? Non, il faudrait aller voir sur le site des appendices. C'est ses amis, fait qu'il veut pas les vendre. Mais il n'y a pas vraiment de punch, pour dire ça. Parfait. Donc, il y a poula. Y a-tu déjà eu des punch? Des appendices, ouais, il n'y a jamais eu de punch, je pense. Mais c'est ça qui fait. On est deux contre deux, je pense. Deux contre deux, maintenant. Ouais, il va falloir qu'on fasse un débat appendice. Exact. À coup d'appendice. Oh, bon. Tiens, on va entrer dans la chronique de David. Voici les notes salées. Attention, Danny, tu vas aimer ça, on va chanter. OK, attention. On va voir si vous êtes rouillé. Salé, oh, la teinte du jour d'Alain était bonne. Mais la petite sauce brune était ben trop salée. Come on, grand-mère, t'as mis trop de sel dans ta sauce. Tu goûtes plus, il y avait trop de sel. Look at my nuts. Donc, c'est les notes salées de Dan. Je regarde. Pour rouiller pas. Dany, regarde mes notes. Oh, je peux vous laisser entre vous deux. Ouais, justement. Fait comment tu as pour savoir qu'elles sont salées? Mais ah, j'ai pas dit qu'elles étaient salées. Mais on parle de notre salée. Salée. Mais c'est plus un genre de goûtez-y, mais vous allez savoir. Oh, try it. Try it before you buy it. Donc, David Ferron, les notes salées, qu'est-ce que c'est, s'il te plaît? Ben, c'est une chronique qui promeut la chasteté. Qui promeut la chasteté. C'est bien dit, hein? Oui. Ouais. C'est la citation de vache, ça promeut la chasteté. On va sur les tâches, puis chasteté. Oui, en fait, on va passer à l'eau de Javel, justement, des tâches musicales, parfois, dans ma chronique Notes salées, parce que les notes salées dans le sel, parfois, on peut trouver ça très bon, ça peut rajouter du goût dans les frites, mais parfois, on peut trouver ça un petit peu trop prononcé, tellement que ça brûle les gencives, que là, on a des boutons qui poussent. Comme dans sauce brune. Hein? Ouais. Comme dans sauce brune sur la dinde. Oui. Ouais. Ouais, tu sais, des fois, c'est un peu too much. Mais là, aujourd'hui, je vous... Encore une fois, comme je l'ai fait avant la fin de la session... Ce qu'on appelle l'automne, communément. Ouais, c'est ça. Je suis comme mêlé. J'essaie d'être dans l'année 2014, puis dans l'année 2014-2015. Ben, c'est ça, parce que techniquement, c'est des années 2014-2015. Ouais. Donc, c'était précédemment dans cette année scolaire, mettons. Mais moi, je me dis, fof, l'année scolaire, on va faire 2014 à la place. Dans ma chronique, c'est que je vous présente trois chansons qui sont sorties en 2014. Oh! Pis donc, dans le présent. Ouais, tu sais. C'est bon d'être dans le passé. Bonne année. Tabarnouche, bonne année. Donc, dans le présent. C'est pas évident, là, faire jouer trois tunes sorties en 2015. J'avoue. C'est juste le 5, là. Hey, Marie-Mé a déjà préparé trois tunes. Yes! Hey, c'est fort, ça, Marimé. Tu supposé être ému? Pas Marimé, Marmelon. Ah, OK, excuse-moi. Ah, ben, j'étais tout... Vous voyez le niveau culturel entre les deux. Je suis un lapsus entre les deux, fait que ça démontre le niveau... C'est pas la même, c'est pas la même, ça. Non? Je pense que c'était la même, moi. Ah. C'est quoi son grand succès, Marie Melon, de la chanson? Poula. Poula. Bon, on veut entendre un extrait, clairement. Ça apprendrait de la musique de fond. Poula. Poula. Poula. Poula. Poula. Ah non, ça va, c'est moi, moi, je pensais que son succès c'était la la la. Poula, ah oui, aussi. T'en souviens pas de la la la en 2014? Oui, c'est vrai, la chanson à trois notes. Dont c'est on a une note, ça, la la la. Et on écoute un extrait de la la la. La la. Il y avait pas trois. Il me semblait qu'il y avait trois. On l'a coupé. Ah, c'est un extrait. Trois. Oui, c'est vrai, on pouvait pas la faire jouer au complet. On n'a pas payé les droits pour le complet. Elle est rendue très, très onéreuse, Marie Melon. Oui. Et melonéreuse, comme on l'appelle. On en demande beaucoup. Bref, ma chronique, c'est surtout des chansons, des trucs que j'aime puis des trucs qui m'horripilent parfois. OK. Donc, c'est ça la chronique, les notes salées. Là, je vais vous présenter trois tunes, en fait, que j'ai bien aimées. En fait, je vous ai dit 2014, mais c'est une demi-vérité. Ah, déjà, t'as juste trois chansons et tu mens. Oui. OK. Il y en a une qui a sorti fin 2013, j'imagine. Qui est sorti? Pas tout à fait. Non? J'explique le tout. C'est quoi? J'explique le tout. Donc, je vous présente les chansons dans le désordre, c'est-à-dire que je vous présente... dans un ordre qui est pas le même que les chansons jouées, c'est-à-dire que... Faut jouer à Charivari, c'est ça? Okay. Oui, en fait, je vous présente les chansons en ordre croissant, puis vous... En ordre croissant de quoi, mettons? De présentation. De déjeuner. De date de sortie? De couleur? Oui! Date de préemption. Date de préemption. Oui. Date de préemption. De saveur de céréales. OK. Avec des guimauves. Oui, exactement. Okay. Donc, notre première saveur musicale pour... permettre à nos tympans de bien déguster la vie musicale de 2014. Ça s'appelle The Move du groupe Jungle by Night. C'est un groupe formé de 9 musiciens d'Amsterdam qui sont tous inspirés de Fela Kuti. Fellation comment? Fela Kuti. OK. Fela Kuti. Fela Kuti. Oui, Fela Kuti. Fela Kuti. Et ça, c'est look at my nuts. Ça, c'est méchant ce que tu viens de dire. Ah, oui. Pourquoi? Oui, parce que c'est le roi de l'afrobeat. Ah. De l'afrobeat. Oui, de l'afrobeat. Afro. Afro. Afro. Union beat. Ah, ouais. Ou afrobeat dans un seul mot. Les beats, les. Tu comprends? Les beats afrobeat. Les bêtes comme les betteraves. Oui. Aussi, ah oui, je tiens à rappeler que Danny Janvier est animateur du dîner de con qui est... C'est pas pour argent. Pas cette année. Pas cette année, c'est fini ça. Fini, c'est rendu le soir, je pense. Ah bon, on a des petits scoops? Non. Non, c'était juste ça. C'était de l'humour. Je pense qu'il va se mêler. C'était juste... Ça a marché. Non. Ça marche, oui, en effet. Donc, pour revenir à Fela Kuti, qui est-il? Fela quoi? Fela Kuti. Ah, une chose qu'on a tout le temps devant nous. Excuse, oui. Excuse, pour vrai, non? Non, mais vraiment, oui, oui. OK, okay cool. Dans le fond, c'est pour ça que je suis sur le chroniqueur. Je pensais qu'il était 10 dehors à attendre. Non, gâtez-vous. Je pensais que... Ah, c'est pour ça que je suis sur le chroniqueur le lundi. Ben, c'est ça, ouais. Parfait. Le plus fiable. Oui. Non, parce que vous pouvez bâcher sur mes chroniques. Hey, je suis poli avec toi-même. On embarque dans tes niaiseries. En oui. Fait, on te crée des niaiseries, on te force à embarquer dedans. Non, mais c'est parce que tu veux pas donner ce ton-là à la chronique, pars pas avec Marie Melon. Ouais, c'est elle a un gros point. Mais là, un gros point en face. Oui, il fallait le mimer surtout. Oui, sérieusement, faudrait faire une chronique visuelle. J'aimerais ça. Et on est où là? On fait quoi? Je sais plus, Assemblage Rocky 89 FM. Oui. 2012. Personne sur le campus de toute façon. Présenter Fela quelque chose là. Oui, c'est ça. Fela Cutie. Fela Cutie. Oui, c'est ça. Quelque hey, chose David, du genre. Ton nouveau surnom, Cutie. Cutie Pie. Ok, David est allé. Bon, on va continuer nous-mêmes. Prête-moi ta feuille. Je vais continuer. Imite David, Steph. Il est quasiment étendu sur sa chaise. Bon. Je vais aller à l'envers. David, oh, c'est, fucking qui c'est un groupe formé de 9 musiciens d'Amsterdam. Tous inspirés par Fela Kuti, musicien qui a popularisé l'afrobeat. Un son qui mélange funk, son tribal. Funk. Funk. Ruck, son tribo et cuivre. Regarde, mon micro, il a pas arraché encore. C'est rempli d'amour, ça. Poulet. Les membres de Jungle by Night se connaissent depuis l'école. Je vais continuer. Aïe, aïe. Ceci n'était pas prévu. Hey, une chance qu'on n'a pas ça en script, hein, parce que Colin, ça prendrait des pages et des pages. Ça serait génial, ça serait des fous les auteurs. On va sortir le livre électronique d'Assemblage. Veux-tu continuer, Danny? Chacun son imitation. Je sais plus lire cette année. De plus en plus méchant. C'est plus rien faire. Il n'y a pas assez d'énergie, ça ne tente pas de sauter sur sa chaise. Il est trop de bonheur le matin. Il est trop de bonheur. Nouvelle émission du matin, c'est fou. Hey, c'est tout nouveau. Hey, c'est original. Tu sais, quand tu ris trop, t'as tellement mal à gorge parce que tu ris trop. C'est à cause de la fellation. Hein? De la... Fella cutie. Fella cutie, excuse-moi. Fella cutie. Hey boy, ça va trop loin. Va te rincer la bouche avec du sel. Et j'espère que t'as pas trop de plaies. Non. Hein? Ça va tout. Ok, ça va bien. Ça, c'était-tu toi qui gargarisais? Oui. Okay. Ben oui, avec du sel, de l'eau salée. Okay. Ça sonne comme un moteur. Oui, c'est ça. Donc, c'est un petit chat qui ronronne. Miaou. Donc, pour revenir à nos moutons. Non, je m'embarque pas là-dedans. Ok. Donc, pour revenir, on va toute l'affaire. Bon, me regarder, c'est comme, il va t'imiter un mouton. Qu'est-ce qu'on fait, là? Je sais plus. C'est quoi notre salée déjà? Train wreck. Ben, c'est comme un accident de char. Tu ne peux pas écouter Assemblage requis. Là. Non. T'sais? En espérant que tout le monde qui sont pognés dans un trafic n'écoute pas Assemblage requis. Ils ont pas d'école, ils sont pas dans le trafic. Il y avait pas de trafic. Pas de trafic. Tout, non. Heureusement, Dieu merci. Alors, j'essaie d'avoir la même voix sensuelle que Danny Janvier. Hey boy, c'est quasiment proche. Ouais. Surtout qu'avec sa voix sensuelle, quand il explique les conneries qu'il lit des fois dans son émission, c'est vraiment. Hey, on n'est pas sur mon show, on est sur ta chronique. Ouais, David. Les plugs, on y va avec David Ferron, je vous le présente. Le plug il est là. Oui, donc, en fait, pour revenir, je pense que je vais recommencer la section Jungle by Night. Non, on recommence pas. On va dormir ici. T'es rendu à l'école. Ouais. Elle t'a donné un bon coup de main, elle avait avancé un peu. Ouais, c'est ça, c'est que Jungle by Night, c'est un groupe d'Amsterdam. Et là, Fela Kuti, c'est justement le gars qui a inventé l'afrobeat. L'afrobeat, c'est ça, comme Stéphane l'a expliqué, c'est un son qui mélange le funk. Ça mélange le rock avec. Allez, laisse-moi deviner. Ah, j'allais le dire. Cuit. Oui! Alors là, c'est ça. Et là. On écoute! Il est vraiment pas fin. Qu'est-ce que tu fais ici, Danny? Je me repose un peu. Ça fait longtemps que t'es vraiment pas reposant, Danny. T'es vraiment pas reposant. Donc là, les neuf membres qui sont rangés entre 19 et 23 ans. Justement, il s'inspire de son africain, mais aussi d'artistes hip-hop, et ça donne ce beau mélange qu'on va pouvoir entendre tout à l'heure avec The Move. Et là, ensuite, ça va être Prayer in C, et c'est là mon mensonge est là, dans la tune Prayer in C de Lilywood and the Prick. OK. Donc, en fait, c'est un duo qui est faite pour se rencontrer parce qu'en 2006, un ami commun dans un party ou dans un événement décide de les matcher comme amis. Là, ils deviennent des amoureux professionnels. Donc, deux jours plus tard, les deux, parce que c'est un gars et une fille qui se rencontrent et ils écrivent trois tunes en même pas une journée. Okay. Ah, ben, ils auraient pu sortir en 2015. Ouais. Ouais, je les aurais eu les trois tonnes en. Mais avec le succès qu'ils ont eu en 2014, ils ont peut-être été trop occupés. Donc là, c'est ça. Es-tu tombé enceinte? Je pense pas, je sais pas. Je sais pas. Pas Ben non, mais je te bande. Ils sont tombés en amour. Professionnel. Ouais, c'est ça. Ils ont eu un bébé professionnel. Ah, fait qu'il est sorti avec une moustache, mais un habit cravate. C'est génial, mais c'est ce que j'essaie de savoir. Exactement. Merci. T'as rien compris. Est-ce qu'on sait le nom? Du bébé, oui, je vais l'expliquer. En fait, le premier bébé, en fait, je vais l'expliquer tout à l'heure. Ah, vas-y, okay. Je vais arrêter. Ça oui, va... en fait, c'est ça. C'est que là, ils écrivent des tunes, ils envoient ça sur MySpace. Dans le temps, c'était comme le futur MySpace. Mais oui. Dans le temps, donc en 2007, et là, il y a le chanteur Pierre Guimard, qui est l'ami du gérant du groupe, qui écoute ça et qui fait comme « Wow, la vie est fantastique ». Donc, grâce à lui, Lilywood and the Prick enregistre un album. Et là, c'est la consécration. Là, ils reçoivent, justement, ils font des spectacles partout. Ils reçoivent même un Victoire de la musique. Les Victoires de la musique, c'est comme les Félix, mais version de la France. Et là, Dans la catégorie révélation du public, il coiffe au poteau des gros noms comme Ben, l'oncle Soul et Zaz, qui sont quand même des bons vendeurs en France. Ouais. Qui étaient en fait des bons vendeurs en France. Okay. Et qui sont inconnus ici, malheureusement. Ben, Zaz est quand même assez connu. Quand même? Oh, okay. Oui, je veux, ça tourne, je veux... assez tourné. Pour que moi, je la connaisse, c'est parce qu'elle est assez connue. Wow! C'est... Oui! OK. Ouais, je connais pas ça, mais... T'as d'autres qualités. Oui, mais merci. Oui. Comme ton chandail. Oui. Merci. Vraiment. Hein? Donc, là, je vais enfin expliquer... Je tente le col. Je le montre à la caméra 3. Wow! Oh, donc, approche le micro magique. Qu'on entende ton chandail. C'était le chandail. C'était le col. Ah, on a coupé ça. Oui, ouais, OK, let's go. Oui. Wow, tu vas devenir un douchebag, Mathieu. Ben, il est déjà. C'est ça. Tu me connais pas. Tu me connais longtemps. Pas. Ah, ongle, tu es en train de m'entraîner, moi. Le pauvre, il est pipe. Ouais, quand même. Ouais. En tout cas, je suis content de savoir que tu caches bien tes efforts. Hey, merci, Stéphanie. Hey, ça me rappelle, par les fêtes, un des chums de mes tantes, j'ai comme 10 tantes. OK, je pense qu'elle avait 10 chums. Non, c'est okay. Un de ses, dans son RM. Il me dit, coudonc, t'as donc un épaissi, toi. T'as bien épaissi. J'ai fait comme, hey, toi merci, aussi. Man. C'est ça. Toi aussi, mais dans le toi cerveau. Toi aussi, c'est. Ouais. Je pense qu'il m'a vu la dernière fois quand j'avais 12 ans. Je pense que, tu sais, j'étais comme mince quand j'avais 12 ans. Ah, ben. T'étais laid à 12 ans. Non, ben, je sais pas, je connaissais pas. T'as donc un épaissi, j'étais comme, merci. Ah, c'est gentil. C'est un beau commentaire, ça, de me dire. Vraiment, toi aussi. Tu fais juste du rapport. Ouais, toi aussi. On voit d'où vient ton sens de courtoisie. Ouais. En tout cas. Ben, c'est un ferron, mais bon. Non. Il paraît que c'est un ferron. Le gars. Ah ouais? Non. Ouais. Non. Bon, je suis David. David. Je comprends rien. Laisse-moi. Non, je suis correct. David. Qu'est-ce qu'on écoute? Ben, en fait, justement, je voulais dévoiler la vérité du jour. OK, parce que t'es un menteur, tu nous disais tantôt. Ben oui, c'est ça. Donc, le mensonge par rapport à Lee Wood and the Pricks, ça concerne justement la chanson Prayer in Sea. C'est qu'en fait, Prayer in Sea, c'est dans leur album Invincible Friends. Sauf que cet été, il y a un DJ allemand qui s'appelle Robin Skulls qui a écouté la toune qui dit « Je veux faire un remix de cette toune-là. Okay. » Prayer in Sea. Alors là, il envoie ça à Lily Wood and the Prick et ils ont adoré ça. Et là, finalement, ça passe en radio et ça tombe numéro 1 dans 19 pays. Et donc, c'est ça qui est sorti en 2014, alors que la chanson, elle, datait d'avant. De 2010. C'est bon. Dans leur premier album, mais c'est le remix qui est sorti en 2014. Et là, c'est la folie furieuse. Là, ça commence à percer dans le Billboard 100, okay. Donc les 100 tunes les plus populaires aux États-Unis. Et même, je pense, au Québec, ça commençait à jouer. Okay. Mais là, on va entendre la version originale. Ouh. Pas celle de 2014. Celle de 2010. Donc, c'est pour ça que c'est l'intro du groupe. Oui, exactement. Bon. Et là, la dernière tune, c'est une Suédoise. Ouh. Oui. Ouh. Ah oui! Et Brainy. Yeah! Et Brainy en plus, puis en plus j'avais joué une de ses tunes, puis vous l'avez aimé, Stéphanie, tu m'avais dit que tu l'avais aimé. C'est la chanteuse Licoli. Oui, ben oui. Oui, ben oui, je m'en souviens. Donc là, c'est la tune. Ça ressemble à l'album de Licoli. Oui. Et oui, donc Licoli va, avec son cheval musical, nous propulser dans le Far West de sa folk mélancolique. C'est tellement imagé. Oui. Ouais. Total, hein? Oui, hein? Je suis perdu. Où suis-je? Donc, pour qui revenir dans la plaine musicale d'assemblage requis et pour nous mettre au pas, donc, Lee Kelly, qui est-elle? C'est une jeune auteure-compositrice-interprète de la Suède qui hérite des gènes musicales de son père qui, lui, est musicien dans un groupe. Et là, le premier album de Lee Kelly, Yacht's Novel, fait sensation et elle se retrouve même à faire, à présenter ses pièces au Late Night with Conan O'Brien. Et également, il y a une de ses tunes qui se retrouve dans une bande sonore du film de Twilight. Donc, mais vraiment, j'avoue que les trames sonores de Twilight sont bonnes. Ben oui. Faut le dire, il y a plein de bons groupes qu'on fait jouer ici dans les trames sonores de Twilight. Ouais. C'est les seules bonnes affaires qu'il y a dans Twilight. Oui, exactement. Dans Twilight. Oui. Donc là, il y a également, en fait, en 2012, un album qui sort qui s'appelle Wooden Rhymes. Et là, elle aussi, une de ses tunes de son album I Follow Rivers est remixée et connaît beaucoup de succès. Mais c'est pas ça que je vais faire jouer. Je vais faire jouer la tune I Never Learn, en fait, qui est la pièce titre de l'album I Never Learn, qui est sorti au mois de mai et que j'adore. C'est une belle pépite pop folk. Une pépite. Oui, une pépite. T'es notre chef de pépite. Oui, pépite. Si le chef de pépite. Oui. Aux arts spectacles. Oui. On écoute les trois. Oui. On écoute les trois ensemble? Oui. Bon, fait que en même temps. Oui. Sauver du temps, il reste juste 4 minutes. Ça va être extraordinaire. Ça va être cœur. On commence avec. Merci de ta présence, Danny. C'est très apprécié. Excuse-moi. Merci, David. On écoute ça. Jungle by Night. Ah, son avocat qui est sur ses fous. Oh, yeah, on danse. Destroyed. Don't think they could forgive you. seas will cover lands, and when men will be no more, don't think you can forgive you. Yeah, when they'll just be silence, and when life will be over, don't think you will forgive you. Lekeli avec la pièce I Never Learn tirée de l'album au même titre, précédée de Prayer in C, la version biologique, si je peux dire ça comme ça, de Lilywood and Tuprik. Et là, avant, on a écouté Jungle by Night avec la pièce de Move et d'inspiration Afrobeat. Afrobeat! Oui, très important. Et non Afrobeat. Mm-hmm. Et non Afrobeat. Pas Danny. Excusez. Touche-moi pas! Belle chaleur humaine. Oui, c'est vrai. Oh, ouais. D'ailleurs, c'est l'album de Christine and the Queens qu'on aurait dû écouter également. J'ai hésité à mettre une toune de Christine and the Queens. OK. Et ça, c'est des pièces que tu as aimées en 2014. Oui. Des pièces sorties en 2014 pour la plupart. À oui. Écouter en sous-vêtements. Oui, tout en fait. C'est ça? Entre autres. On peut l'écouter aussi en étant habillé en girafe ou encore avec habillé en mou. Habillé en girafe. Oui. Ça m'est pas arrivé. En motif de girafe, mettons? Aussi. Ok. Quand on est tanné. Un costume de girafe? Si j'ai ça, j'ai pas ça. Quand on est tanné. Ouais, mais le long cou, il est pas à la même place. Il est érectible. C'est un gag de pénis. Donc, David Ferron, on te retrouve lundi prochain à 8h30 pour notre chronique Les Notes Salées. Je le sais plus. Ça te va? Si ça tente. Je le sais. Il va être là juste si je suis pas là. Juste si t'es pas là. Mais c'est qu'on sait pas si t'es là ou pas, c'est la surprise. C'est comme une petite carte, tout le monde en parle. C'est ça. Oui, c'est ça qu'on disait. T'as une carte VIP, tu peux dire quand ça tente. Une carte requin. Oui, une carte requin, c'est bon, ouais, ça. Ouais. T'es une very important... Requin. Requin. Carte VIR. Voilà. David Ferron, toutes les semaines lundi, 8h30, on l'a dit, c'est de même. Merci oui. d'exister. Merci d'exister. En effet, tu nous apportes du divertissement oui. les lundis matins. Gratuitement en plus. Nous autres, on te rehausse ça encore plus oui. de divertissement. Oui. Comme too much advertisement. Oui. You know? Oui. Entertainment. Bref. On prend une pause. Au retour, ben, il reste plein d'autres affaires. On verra bien ce qu'on va faire. Hein. On verra bien ce qu'on va faire. On va danser. Oui. Chanter. La la la. La la la la la la la. Ok, bye. Attends. Dans la zone 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Sur la joie qui en ce lundi 5 janvier 2015 et Stéphanie Paradis. Oui, c'est Mathieu Plante. On a toujours David Ferron. Allô. Et Danny Janvier. Allô. Allô. Hey, on a vraiment du monde en feu. On dansait tantôt. Oui. En intro. Ça dansait sur l'intro. Oui. C'est la première émission de l'année, donc tout le monde est en studio pour s'amuser comme ça. Ça donne de même. Sans aucune prévision météorologique derrière ça. Parlant de prévision météorologique, on fait pas ça ici. Alors ça, c'est les Jingle Bells. C'est le traîneau de David Ferron qui essaie de s'en aller. C'est les clés magiques. Casse pas tout. C'est des mouvements qu'il faut voir pour les comprendre. Oui, c'est ça, c'est sûr. Faut les voir pour les croire. ça nous amène en fin d'émission comme ça lundi et encore une fois, là, on l'a dit tantôt, mais les chroniques ne seront pas nécessairement aux mêmes places qu'on les fait là. Là. C'est la première semaine quand même. Donc voici le bloc pub. Venez au bon marché. Oui, papa. Tout le monde aime the Greenland. Je préfère le Gouda. Burger King. Ooh, Bobby Bell. Bobby Bell. And I kiss you! 4,99$ la minute. C'est le bloc pub où on parle de marketing et de publicité, que ce soit imprimé dans les magazines, à la radio, à la télé, peu importe. Spring Canada, à Magog. Magog, exactement, exactement. Les références sont nombreuses dans cette intro. Tout le monde, on va parler pour commencer. On va commencer, en fait, ici même au Québec, avec une publicité qui a joué sur les ondes d'une certaine station de radio qu'on ne nommera pas, mais c'est pour Desjardins, qui invite à poser un geste d'épargne spontané. L'objectif est d'associer les économies reliées à l'achat de biens et de services à un comportement d'épargne. Donc, c'est Cara qui a imaginé et initié le concept de l'offensive radio du mouvement Desjardins, mettant en vedette son outil d'épargne instantané Hop Épargne, hein, en collaboration avec Bell Media et LG2. Diffusé sur les ondes d'une certaine station radiophonique commerciale montréalaise entre octobre et le Black Friday, la campagne Les Poursuites Hop Épargne consistait à associer les économies reliées à l'achat de biens et de services à un comportement d'épargne. L'objectif était donc d'inviter les jeunes à épargner, mais ce qui était spécial, c'était que il y avait un message initial de 15 secondes qui présentait Hop Épargne. Ensuite, trois rappels de 2 secondes étaient insérés entre les autres publicités et une conclusion de 9 secondes invitait les auditeurs à se rendre sur le site web de Desjardins pour découvrir l'outil d'épargne instantané. Je vais juste partir la pub. Par contre, je vais sauter la mention de la station de radio. Ça vous va? OK. Ah. Parce que Gasser, hein? Attends un peu. Non, on va juste. Je peux te revenir un peu? Ah, oui, tu peux. C'est ici. Ben, c'est en train de planter. C'est une station remplie d'énergie, c'est ça? Ben, c'est ce qu'on appelle. On va commencer ça de même, tiens, ici. Avec plus de 700 hôtels favoris des Canadiens. Tu me gosses la pub partout. On va parler par-dessus. Ça, c'est plate, parce que sérieusement. On dirait Marie Melon. Ils sont de bonne humeur. Vacances hivernales. C'est mauvais, ces pubs-là. Économiser. OK, ça chante encore. Ça a été fait en quelle année? Là. Imagine, quoi? Pas les années 70 ou 80. Pourquoi qu'on fait pas des belles tunes, des belles pubs de même? C'est intéressant pour ceux qui ont besoin de vacances. Et si vous vous laissez tenter par ce rabais ensoleillé, vous pourrez toujours épargner ce que vous avez économisé avec l'outil d'épargne instantanée Hop Épargne. Un avantage exclusif aux membres des Jardins. Découvrez plus d'avantages à desjardins.com/avantages. J'ai 440 sur le volant. Là, t'as un paquet de pubs qui jouent. On va les sauter parce qu'on voit les marques dans le truc ici. J'ai 440 Chevrolet Laval. Ben oui. Écoute ça. Et hop! Le sol de tout le et hop, ça fait partie de la pub. Ça fait partie de la pub de Desjardins. Mm-hmm. Certaines conditions s'appliquent. Détails en succursale et au courriel.com. On dirait que c'est une transition. Hey, chérie, pourquoi on n'inviterait pas tes parents super? On dirait que ça fait partie de la pub suivante. Ça n'a aucun sens. Une dernière. C'est une belle transition. Je pourrais rajouter des hey hop entre les pubs. Hey hop! Hey hop. Tu sais? C'est n'importe quoi! Je trouve ça tellement mauvais, puis là, ça va à la fin. C'est pas du tout. Ben, je veux dire, quand t'écoutes ce genre de radio-là, par exemple, tu sais que ça passe 700 millions de fois. À un moment donné, tu comprends que c'est ça. C'est comme un Trivago, tu sais que la fille veut aller à Venise. C'est... Oui, en effet. Mais écoutez, la fin donne ça à peu près. La fin donne ça à peu près. Ben, ça joue plus, d'habitude. Ouais, d'habitude, on entend plus de son. Ah, boy, c'est dur, SoundCloud, c'est dur dans la vie, des fois. Oh, hey boy, je te comprends. Il y a des jours où il va moins bien que d'autres. Hein. Mais laisse faire, bref. C'est comme la vie, ça, des fois. C'est comme la vie, des fois, ça va moins bien que d'autres. Ben, ça va moins bien que d'autres. Ok, je comprends. Tu dois comprendre. Oui, oui. C'est... 2015, ouais, peut pas être pire que 2014, comme on dit. Ah, t'es encore drôle. Merci pour le message d'espoir présenté par Dalijon. Je parle pour vous aussi. Maintenant, une campagne pour la promotion de Far Cry 4, les amis. Far Cry 4. Oui. Vas-y, la vie, t'es capable. Jeu vidéo Far Cry 4. Astral Affichage. Qui transforme des abribus en temples himalayens pour Ubisoft. Mm. Dans le cadre de la promotion pour le lancement de la quatrième mouture du jeu d'Ubisoft, Far Cry, sorti le 18 novembre, Astral Affichage, en collaboration avec Bleu Blanc Rouge et Zenith Optimedia, a transformé certaines de ces abribus en temples himalayens, région dans laquelle se retrouvent les joueurs. Ces deux sites spéciaux ont été jumelés à une série d'affiches, stratégiquement positionnées sur le territoire de la ville de Toronto. Vous pouvez aller voir les photos sur assemblagerequis.com. Ils ont décoré un petit peu l'abribus avec un toit particulier avec des drapeaux partout, puis une genre de cheminée sur le dessus, un truc comme ça. Donc c'est très joli. Et ça fait la promotion de Far Cry 4 qui est affiché sur les panneaux, sur les côtés et à l'intérieur de l'abribus. Cool, j'aimerais vraiment ça le voir. Oui, ce serait le fun si Internet voulait collaborer. C'est ça le problème en ce moment? Ben, c'est l'ordi est juste l'ordi. Comme... C'est tout le temps quelque chose, comme on dit. T'es gelé bien raide, là, ça ouais. A pris... C'est l'hiver, il faut dire. 40 coups dans, ouais. Dans la carcasse pour que ça... Ouais. C'est comme les piétons, c'est difficile pour nous autres. Mm-hmm. Une campagne d'affichage maintenant pour dénoncer la violence psychologique. L'objectif de la campagne est de sensibiliser les victimes et les personnes aux comportements violents. Une nouvelle campagne sociale de sensibilisation depuis le 17 novembre. Donc c'est Zoom Media que vous connaissez pour leur campagne entre autres à l'UQTR ici. Puis une campagne qui interpelle pour dénoncer la violence conjugale. Les environnements resto-bar arborent des affiches et des autocollants visant à sensibiliser un public cible de 20 à 35 ans sur les sujets de la violence psychologique. La campagne est déclinée en affiches classiques ainsi qu'en panneaux numériques ciblés s'adressant spécifiquement aux hommes ou aux femmes, dépendant de la salle de bain dans laquelle t'es. Hey. Elle est diffusée dans les établissements sélectionnés du réseau Zoom Resto Bar de la région de Québec jusqu'au 18 décembre 2014. Donc sur les portes des toilettes, on voit des messages. C'est sûr qu'ici, c'est écrit vraiment petit. On va essayer de zoomer. Eh boy, c'est écrit tellement petit. Il... Je suis même pas capable de lire. Il manque du papier. Mais il y a pas une notice en bas de la photo qui dit c'est quoi? Absolument pas, c'est ce qui me surprend moi aussi. J'aurais pensé qu'il y aurait ça facile d'accès. Donc, double objectif qui est d'amener les femmes victimes de violences conjugales, psychologiques ainsi que les hommes aux comportements violents à demander de l'aide. L'exécution est à l'initiative de l'Université Laval, du Fonds de recherche sur la société et la culture, la Maison pour femmes immigrantes Marie-Rollet et un paquet d'autres, dont SOS Violences Conjugales. Je cherche la phrase en tant que telle et je ne la trouve absolument pas. C'est écrit trop petit, bravo. À quand la fondation Marie-Melon? Marie-Melon. Mais ils mettent vraiment, tu veux dire, dans les toilettes pour hommes, ils mettent pour sensibiliser, attention, de ne pas être violent, et dans les cabines des femmes, si vous êtes violentée, bleu. Mais ils n'ont pas pensé que ça arrive aussi l'inverse. Tout à fait. Mmh. Ça, exact. Je trouve ça peut-être un peu négligé, là. C'est parce qu'il y en a aussi des femmes qui font de la violence, pas juste physique, là, parce que c'est un peu plus difficile pour les femmes, mais ils vont user de violence psychologique. Puis je pense qu'il ne faut pas avoir peur de le mentionner. Ah, puis il y a des femmes qui frappent, parce que justement, ils vont savoir que le mari ne frappera pas. Fait qu'il frappe. Ça ne veut pas dire que ça te fait mal, mais ça te fait mal pareil. Ben oui, mais c'est ça. Je pense qu'il ne faudrait pas nécessairement faire cette séparation-là. C'est stéréotypé un petit peu, je trouve. Tu as bien raison. Maintenant, Cancer Testiculaire Canada, qui mise sur le célèbre duo après le lancement de la vidéo pour les cuits. Les couilles. Les couilles, les couilles. C'est le même qu'il faut le dire. Ah, t'as pas vu cette vidéo avec Charles Tissère? Charles Tissère qui se palpe les couilles. Mais en fait, ça se prononce même pas couilles, là. En plus, ils mettent avec l'écriture phonétique au début, puis ça se prononce pas couilles. Ouais, c'est YS, puis c'est pas la... En tout cas, dans le pub, c'est ce qu'on dit. Ouais, ça se prononce cuit, je crois, mais... Je pensais que c'était l'affaire avec les... pas les hamsters, mais les non. Oui, c'est ça, c'est avec ça. Okay, c'est ça. Oui, je l'ai vu, finalement. C'est exactement ça. J'ai pas vu qu'il y avait chat de ça. Donc, Cancer... C'est lui qui fait la voix. Ah, c'est ça! Ça fait plus... C'est ça qui est drôle dans Patente, parce qu'il fait ça comme un documentaire. Chercher la face du gars. Okay. Exact. Donc, après les couilles, Cancer Testiculaire Canada, alors c'est la deuxième phase de son offensive publicitaire avec une campagne d'affichage qui va être déployée dans les bars et restaurants fréquentés par les hommes de 18-35 ans. L'opération présente des duos célèbres amputés d'un de leurs membres, hein, rappelant l'importance de pratiquer l'auto-examen pour garder les deux testicules bien en santé. On voit entre autres, bon, il y a Vide et Obélix. Tu vas voir ensuite Vide et Dung. Après ça, c'est Butthead, tu mettons. Ah. Et Butthead, et Gretel, et Milou, donc des affaires qu'on comprendrait, et Robin. C'est fun, ils sont quand même allés chercher large là, avec Butthead, là. On s'entend. Butthead, oui, j'avoue que c'est pas tout le monde sait. Qui connaît Beavis and Butthead. Là. Tous les autres, je pense que ça allait, mais Butthead, j'avoue que c'était peut-être le plus hétéroclite. Mais tu vois que, en tout cas, moi, je vois un petit peu les traces laissées derrière. Oui, oui, on a laissé comme un champ de. Comme tu dis, une trace. Une trace, parce que c'est comme imprimé sur papier, si on veut, parchemin ou quelque chose comme ça. Et en bas, t'as le logo. C'est quand même bien fait. Ensuite, Eric Martin, ancien directeur général de Reddit, c'est un site web où toutes les mods et les memes partent. Tout part de là. Lance Hassles on Demand, un service où des gens pugnaces peuvent aider les victimes de mauvais services à la clientèle. L'Américain a lancé l'idée à la blague sur Twitter et a réellement mis le projet sur pied après avoir reçu une foule de réponses enthousiastes. Les trous de cul peuvent postuler sur le site, mais ne sont pas rémunérés pour le moment. Il est aussi possible de remplir un formulaire pour demander à quelqu'un de féroce et patient de se battre contre votre assureur, la société aérienne qui a perdu votre valise ou face à la facture démesurée envoyée par votre fournisseur Internet. C'est un service qui est limité aux États-Unis. Vous avez sûrement vu cette campagne pour TELUS pendant les fêtes, une initiative signée Tank et The End Partnership. TELUS invite les Québécois à décrocher afin de mieux profiter des moments avec leurs proches pendant les fêtes. L'offensive propose de lever les yeux de son appareil cellulaire et de sortir du monde numérique afin de profiter des interactions sociales. Tout le monde est d'accord avec ça. C'était une bonne pub. Ben oui, c'était super. Vraiment bonne pub. Ça décline à la télé, en affichage et sur le web. Sur les médias sociaux, des conseils sont dispensés. Les internautes sont invités à partager leurs trucs pour décrocher en utilisant le mot-clic hashtag en mode fête. Ce sont un paquet d'autres affaires comme ça. Est-ce que vous avez décroché durant les fêtes, vous autres? Oui! Jamais sur mon téléphone. Non, mais je vous demande, je sais pas. Ben, pas rien que sur le téléphone, même Facebook, etc. Là. Ouais, les soirées où c'était des parties, moi, j'ai pas vraiment utilisé. Non, moi, ça me fatigue pas du tout, Non, non. On est capable de s'en passer pendant quelques temps si on s'amuse. Si t'as rien à faire, c'est sûr que là, t'es porté à y aller. Moi, je suis donné vraiment un... J'ai pas voulu y aller. J'y étais peut-être trois fois durant les deux semaines. Toutes les fêtes. Ouais, ouais. Wow. Je voulais pas, puis j'ai pas répondu à presque répondu à aucun email, je pense. Ah ouais. Ça fait du bien. Il me semble que j'aurais le goût de continuer cette beat-là. C'est sûr que Calvin 6, j'ai eu le cadeau de poulet neige, petit moment d'ordi privilégié. Ah, je peux aller le chercher, moi. Moi non plus, pas je me l'ai commandé. Là, moi, j'attendais que ça baisse un petit peu parce que tout le monde y allait pendant les premiers jours. Puis c'était jamais un peu le serveur, ouais. Ouais. T'attends un petit peu. Bref, est-ce que ça vaut la peine qu'on la regarde la pub ou tout le monde l'a vu? De TELUS en mode. Ben, moi, je l'ai vu, là. On l'a vu. Là, tu as vu, toi, la petite fille, là, la fille, là. Ouais, la fille, chose. Bin. Attends, moi, je l'ai écouté. C'est une petite princesse. Princesse qui monte les escaliers, un gars dans son lit avec un téléphone cellulaire, la fille qui lui envoie un petit sort pour lui dire de lâcher, j'imagine, son téléphone cellulaire. Il y a un ours. C'est louche, l'ours. L'ours est louche. Elle ferme la télé avec sa baguette. Tout le monde la suit dans la famille, à date. Moi, j'ai peur quand il y a un ours qui me suit. Et finalement, la fille, c'était quoi? C'était la petite fille? C'est le message? Hein? Pas de vraie magie, ouais. c'est qu'on est tous ensemble. Oui, oui, oui, oui. Décroché pour le temps des fêtes. Tu sais, c'est une bonne pub, puis il rit. Ben, c'est parce qu'ils ont pris fille qui avait vraiment une voix particulièrement. Ben, mais c'est une petite fille. Je sais, mais elle était particulièrement. Donc, la vraie magie de Télus. Elle va sûrement jouer dans le film de Xavier Dolan dans 10 ans. La semaine prochaine. La fille, moi, je me sens. Des fois, il y a des pubs qui se partagent sur Facebook, et j'en parle quand même parce que je trouve que les idées sont bonnes, donc même si tout le monde en parle. Pelleté, en attendant, l'attraction intégrale, un coup d'éclat signé Subaru. Avez-vous vu ça? L'association des concessionnaires Subaru du Québec a créé la surprise et mis l'avant des capacités des voitures du fabricant dans une offensive de Rinaldi. Par la nuit du 11 décembre, alors que la neige tombait encore sur Montréal, une équipe a déposé 500 pelles arborant le logo de Subaru. Est-ce que tu as vu? Non. La phrase « En attendant votre traction intégrale, ben voici une pelle. » À côté d'autres, auto ensevelis sur le plateau Mont-Royal. L'agence Rinaldi a orchestré cet événement surprise qui visait à souligner qu'avec la traction intégrale qui a fait la renommée de Subaru, pas besoin de pelleter. Donc on va pouvoir aller écouter vraiment ça. Vraiment génial ça. C'est une super bonne idée. C'est quand même assez cher comme offensive, hein, pareil. Et au Québec en plus, là, quand même, c'est fort. C'est pas n'importe quoi. Donc, mais de là à dire que tu n'as pas besoin de pelleter, ça dépend des tempêtes. Donc, c'est le 11 décembre à 3h du matin où on voit évidemment les rues de Montréal ensevelies sous 25 cm de neige qui vient de tomber. Et là, on a un truck de location. Un gros truck! Avec aucun affichage dessus. C'est ça, location, tu sais. Subtil. Non, en avant, c'était écrit GMC. Ah, bon! J'avais pas vu ça. On plante la neige. Mais sérieux, c'est génial. Devant chaque voiture, je pensais qu'il y a peut-être déneigé un peu. Ah, ben là, il faut pas exagérer. Mais non, parce que déneiger 500 voitures. Ben, j'avoue que 500, c'est vraiment beaucoup. Ils sont pas tant que ça pour le faire. Donc, bravo pour le travail que ça a pris et le salaire qu'ils ont fait, j'imagine, vu que c'était pendant les fêtes, peut-être payé en double. Quand même. 11 décembre. 11 décembre. Et de nuit. Et de nuit, en plus, à 3h du matin. Les gens, ils sont bien contents d'avoir une nouvelle belle pelle. Et c'est une bonne pelle. Une bonne pelle en plastique. On y est pas, Subaru, ouais. T'sais, on est loin du paquet d'allumettes, là. Où, <t'sais>, je leur ai pris l'appel. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça prend ça. Ça prend une traction intégrale. Ben, ce matin, en sortant de chez nous, c'est mon voisin qui m'a dit « Veux-tu une pelle Subaru? » J'ai dit « Bien sûr. » Il est allé me la chercher. J'ai dit « Justement, moi, j'attends ma Subaru la semaine prochaine. » Et en plus, c'est que les gens, la pelle leur appartient. Ben oui. Ça fait de la pub à chaque fois que tu pelles pour Subaru. Exact. Oh. Ouais, sauf quand elle est pleine de neige. J'avoue, c'est un bon point. Subaru vous souhaite bonne saison. Bonne saison, man. Ben, faudrait que Subaru privatise la neige. Pourquoi? Ben, pour dire, regardez, la neige, c'est Subaru. C'est à nous. La neige, c'est à nous. Sous la rue, Subaru. C'est comment on dit? Oui, c'est le nouveau slogan. Subaru, non, Subaru, c'est Subaru. Ouais. Hein? Ce slogan, vous voyez, un gars. Flashback. Donc, pardonnez en grand avec Bel Air Direct maintenant. Pardonnez. Ah. Ouais. Qui propose aux Torontois de pardonner en offrant des panneaux d'affichage de la région de Toronto comme véhicule pour pardonner quelqu'un dans une offensive signée Sidley. Donc, pour créer un parallèle avec sa police qui pardonne, on connaît tous, au conducteur, à l'assureur et l'agence ont imaginé cette manière plutôt grandiose de répandre le pardon. Des messages radio de 15 secondes, des panneaux numériques et un volet sur les médias sociaux incitent le public à se rendre sur le site Holiday Forgiveness pour avoir la chance de voir leurs messages diffusés. Les plus drôles ou les plus touchants seront présentés sur 7 panneaux de la grande région de Toronto et les meilleurs seront diffusés à la radio. Donc, on va aller écouter ça encore une fois. Donc, c'est... par exemple, tiens, ici, Mike, je te pardonne d'être parti. Tu seras toujours à la maison chez nous. Et c'est signé papa, mettons. C'est super cute. Hein? Donc, Holiday Forgiveness de Bel Air Direct. Voyez votre message de pardon sur des babillards à Toronto, sur les panneaux publicitaires. Donc, on en voit d'autres. Je te pardonne d'avoir mangé mon sandwich à la dinde encore une fois. Je te pardonne d'être parti. Tu auras toujours une maison chez nous, signé papa. On l'avait dit tantôt. Je te pardonne d'avoir, d'avoir raté le clou quand t'as frappé. Ça me fait encore mal. Tu sais? Des petits messages cute comme ça. Holiday Forgiveness. Ça fait un job quand même. Ils l'ont-tu fait en français ou juste à Toronto? Je pense juste que moi je le vois juste en anglais en ce moment. À Bel Air Direct. Bel Air. Fresh Prince of Bel Air Direct. Now this is a story. Okay. Des scientifiques japonais. Des scientifiques japonais ont créé un système de projection en 3D qui flotte dans l'air, tout le monde. Le procédé est basé sur un laser qui chauffe localement les molécules d'air jusqu'à les rendre lumineuses en un point. À l'avenir, cette technologie pourrait servir à diffuser dans le ciel des messages publicitaires, de la signalétique urbaine ou des alertes en cas d'accident ou de catastrophe naturelle. Parce qu'on a pas, c'est ce qu'on, moi c'est ce que je trouve, on n'a pas assez peu partout. Non, il n'y en a pas partout, hein, déjà. Donc dans les airs. On va regarder les nuages pour se un peu s'aérer les yeux. Là. À la place de voir des lapins, genre, ça va dans être les nuages. Une pub de coke, genre. Bel Air Direct. Ouf, que ça va être le fun. Nombreux sont les films de science-fiction dépeignant des villes futuristes où les panneaux publicitaires et les signalétiques urbaines sont remplacés par des images 3D, bien sûr. Si ce type d'affichage n'est pas encore une réalité, une technologie permet de l'envisager sérieusement. Il y a quelques jours, des scientifiques japonais ont fait une démonstration publique d'un système de projection d'images 3D qui flotte dans l'air. Le procédé nommé Aerial 3D repose sur un laser qui génère jusqu'à 1000 impulsions par seconde. Focalisé par une lentille, il surchauffe les molécules d'oxygène et d'azote dans un volume très petit, jusqu'à transformer brièvement le gaz en un plasma lumineux de couleur blanche à mi-chemin entre une étincelle et une LED. Ces pixels lumineux sont contrôlés par ordinateur afin de dessiner l'image en 3 dimensions. Les images peuvent même être animées en synchronisant les tirs laser. Une vidéo démonstration tournée par l'agence de presse Reuters permet de se faire une idée du résultat. C'est sur assemblagerequis.com. Pour l'instant, le système ne peut diffuser que 5 sortes d'images assez basiques, telles que les contours d'une pomme, pour Apple. Hein? Et voilà. Voilà. Ah. De papillon ou d'une forme humaine. Est-ce qu'ils peuvent faire ça aussi en forme de mur? En forme de mur pour le fruit? Ben, comme Apple, Blackberry, là, une pomme. En forme de mur. Ah, moi, je pensais que c'était un mur. Tu sais, un mur, là, okay. Plafond, plancher. Il est temps pour vous d'affronter le mur. Avec Benoît Gagnon. C'était le jeu de casse-tête. Ouais. Burton travaille depuis plusieurs années déjà sur le concept qui est lui-même une évolution de travaux menés en 2006 à l'Université de Kello et le National Institute of Advanced Industrial Science and Technology. Un premier prototype avait été dévoilé en 2011, capable de fonctionner aussi bien dans l'air que dans l'eau. Imaginez-vous. Dans l'eau. Oh. Imaginez-vous. T'avais déjà le ciel plein de pubs, là, tu vas être baigné, ça va être rempli de pubs aussi. Ça va être le fun. Aquafina, genre, va te ça va être la mer présentée par Aquafina. Cœur. Ellie's Escape possède tous les ça va être la dernière possède tous les ingrédients d'un bon jeu d'aventure et de survie, sauf que c'est ça. Toutes les méthodes sont bonnes pour sensibiliser et mobiliser les gens. UNICEF l'a bien compris et dans un élan original d'appel à l'aide pour les enfants de la République du Soudan du Sud. L'association humanitaire s'est invitée dans une convention de jeux vidéo à Washington DC et afin d'atteindre un public ultra ciblé, les gamers et autres acteurs du monde du jeu vidéo, une équipe a présenté la bande-annonce d'un jeu de type survival un peu particulier nommé Ellie's Escape. Donc dans la vidéo qu'on va écouter à toute fin, on nous explique que l'histoire d'Elika est vraie et que sa situation est le quotidien de nombreux enfants sud-soudanais. Les réactions des joueurs ont été filmées en temps réel. Certains semblent offusqués et quittent la salle. En fait, je pense que si on regardait, ça décrirait pas mal tout par nous-mêmes à la place de lire l'article. Qu'est-ce qu'on en pense? Mais on veut pas aider les enfants du nord du Soudan, par exemple. Non, juste au sud. Mais du moi, Soudan. Je trouve qu'ils se sont compliqués la vie. République du Soudan du Sud. Juste la République du Soudan, du ça aurait été Soudan en masse. Soudan à place. C'est comme les pyjamas quand il fait chaud dessus dedans. Mais la situation entre les deux parties, c'est très compliqué, c'est pour ça. Ah, okay. Donc on va écouter ça, un message de jeux vidéo d'UNICEF. On est dans une convention de jeux vidéo, bien sûr, filmé en noir et blanc pour être plus prétentieux et faire plus pitié. Mais geek. Plus geek, oui, geek qui fait pitié. Donc un pitchman, donc un gars qui, bref, qui les parle, pitch. Qui les pitch. Et une équipe se sont présentées à Washington DC pour révéler un nouveau jeu vidéo, entre guillemets. Oh. Et bonjour, comment allez-vous? Le gars arrive devant la salle. Tout le monde va bien, on applaudit. Yeah. Tout le monde est content. Ceci est une bande-annonce exclusive de Ellie's Escape. Le premier shooter à la première personne d'horreur survie à l'époque de la guerre. Mettre en vedette ou montre quelque chose de très spécial, c'est que vous jouez une petite fille de 7 ans en tant que protagoniste, donc un enfant. Et là, il est complètement sérieux, évidemment. Il dit, c'est votre première opportunité de jouer les enfants qui souffrent dans une situation de guerre extrême, qui combattent la faim, et c'est à vous de les faire survivre. Le jeu débute avec la... Je crois que c'est sa mère qui meurt. Ton vieux frère meurt en essayant de te défendre. Pendant ça, tu t'échappes et une balle te frôle la joue, une balle de fusil. On amène le niveau d'horreur à un nouveau niveau. Là, tout le monde dans la foule est offusqué et dit c'est pas une bonne idée pour un jeu vidéo. Le monde arrive à un camp de réfugiés. Il n'y a pas de nourriture. Ça sent mauvais. La diarrhée. Et finalement, le choix le plus difficile. Vous voyez votre santé se réduire, comme dans un jeu vidéo. Tu dois faire la prostitution, mais te prostituer pour... Et là, les gens quittent la salle. Les gens font leur offusqué, dans le fond, là. Donc, qu'est-ce qui est trop dans un jeu vidéo, nous demande-t-on? arrive quotidiennement aux enfants du sud du Soudan. Donc c'est une réfugiée du sud Soudan, Marie Malek, qui parle. Ce n'est pas un jeu. Oh, votre histoire est vraie. Qu'est-ce qu'il y a? Marie Malek. C'est la cousine sud-soudanaise de Marie Malone. Je pense que oui. Donc, c'est l'expérience en ce moment pour plein d'enfants. Sans façon de faire pousser de la nourriture, plusieurs meurent. Vous pouvez nous aider à protéger les enfants du Sud-Soudan. Aidez-nous à le dire, genre bref, à propager le message. Écoutez-moi et ressentez ça dans votre cœur. Que ça doit arrêter. Wow. UNICEF. C'est vraiment un bon message. Oh. Mais le jeu, il n'existe pas. Non, le jeu n'existe pas. C'est ça qui est plate. Ben, le message est efficace, Dan. Mais j'avoue que s'il avait fait, s'il avait fait un jeu qui le vendait, s'il vendait ce jeu-là, les gens l'achèteraient probablement. Mais c'est sûr que c'est c'est de la promotion un peu bizarre. Non, mais c'est pas ça le but. Là. C'est pas non, ça, c'est de la sensibilisation. Et tout est dessiné à la main en plus. Ouais, c'était beau. C'était comme un peu en sketch quand il monte un concept de jeu vidéo. C'est bien pensé. Puis en plus, vu qu'on parle beaucoup de sexisme dans les jeux vidéo, il fallait jouer une fille en plus. C'est génial. Le petit côté confrontant aussi, dans un autre niveau. Très peu d'héroïnes de jeux vidéo. Il y en a de plus en plus, mais quand même, c'est pas très répandu. Donc voilà, c'est tout pour le bloc pub. Ouais. Magnifique, on a passé un bon moment ensemble. Ça finit sur une note triste un peu. Oui. C'est vrai, on a fini ça. Non, pas de note triste, une note touchante. Touchante, oui, touchante en effet. Sensible. Sensible. Voilà, c'est tout pour le bloc Danny. Pub. Et tu David te rapproche. Qui veut quitter la salle comme dans la pub du Sud-Soudan? Se console. Ah, vous êtes beaux à voir ensemble. Est-ce que vous allez faire votre don à UNICEF? Tu nous as pas vu tout nu. Non. Ensemble? C'est pas. Ça non plus. Ça non plus. Les liens sur assemblagerequis.com. Oui, les liens se rassemblent. On se retrouve tout à l'heure, chérie. Dans mon bureau. J'aime ça l'expression, les liens se rassemblent sur assemblagerequis. Exact. Oh. Je pourrais peut-être te piquer cette phrase-là éventuellement. Ah oui, pic. Peut-être, je trouve ça cute au bout. C'est tout pour Assemblage Requis aussi. Nous serons de retour demain entre 6h30 et 9h30 en direct à partir de 7h30 pour une nouvelle édition d'Assemblage Requis. Demain, l'émission va être mardi. Comme partout ailleurs au Québec et dans plusieurs fuseaux horaires. Demain, on aura Sa plus simple expression avec Stéphanie Paradis. Oui. On a aussi une entrevue spéciale avec quelqu'un qui va nous parler du MBA UQTR, un programme qui célèbre ses 10 ans. Et si tout va bien, on va parler d'improvisation aussi. Donc, c'est demain entre 6h30 et 9h30 en direct à partir de 7h30. Restez avec nous dans quelques instants, une heure et demie plus ou moins. Il y aura le dîner de corps avec Danny Janvier. Possiblement. Bonne émission, Danny, tantôt. Oui. Yeah. Non, mais c'est parce que j'ai hâte de la faire, mais en tout cas. Ouais, les problèmes. Tous les problèmes à l'interne. C'est ça, les problèmes professionnels qu'on dit. Oui. Les jeunes professionnels moustachus et cravate. Très dynamique. Ensuite de ça, plus tard en journée, à 18h, il y aura Palmarès du Monde avec David Ferron. Oui. Oui. C'est fou.ca pour la programmation complète, assemblagerequis.com pour les notes de l'émission. Et bien, d'autres merci, Danny Janvier. Danny Ferron. Ah, c'est le nom de groupe de patinage de Hollywood. On fait jaser. Danny Janvier, David Ferron, Stéphanie Paradis. Ça va être Jean Rond. Oh. Jean Bon? Jean Rond. J'ai bien hâte. Jean Rond, ça, c'est moi. Des Jean Rond après les fêtes, tout le monde est rond. T'as bien des pincis, toi. T'as dormi des pincis. J'ai envie de repartir le thème parce que j'ai pas envie d'arrêter de parler avec vous autres. On continue jusqu'à 11h. On défonce jusqu'à 11h. Oui. Yeah. Ah ben, j'ai d'autres choses à prévoir. On a tous d'autres choses. Non, ben, pas amène moi. Ta prévision avec toi, là. Ton autre chose de prévu amène-le au studio. Pas sûr que ça se fait. Ah. Pas sûr que ça se fait. Pas sûr de la couleur. Non, c'est pas vrai. Je suis sûr que ça se fait pas. On se retrouve demain pour Steph, puis très bientôt pour vous deux. David, ça va être la semaine prochaine. Danny, ce midi. Tantôt. Je crois que tout le monde se revoit éventuellement. Puis on se dira tous, on se serra la main, puis on se donnera des câlins. Non, on voit pas, mais ma lèvre du bas à shake. À tremble un petit peu. Mais on s'en va pas pour les vacances, on vient de revenir. Là, mais non, mais je broyerais pas dans ce cas-là. Je serais content. Qu'est-ce que ça dit? On s'en va pas poulet à vacances? Ouais, c'est ça, exactement. Poulet à vacances. Pas être poulet. Poulet. Poulet. OK, ben à demain. Bye! Poulet. À l'aide. Pour la journée. Ah, wow! Oh, ouais.